Allons-y. Je voudrais commencer en vous racontant une petite anecdote qui s'est passée quand j'étais attaché culturel à Berne. Vous savez, j'ai été 17 ans là-bas. Et en 1946, Bernanos était venu à Genève. Et l'ambassadeur l'avait invité à l'ambassade pour déjeuner. Et je n'oublierai jamais ce qui s'était passé après, lorsque nous prenions le café, où Bernanos, qui était, vous le savez, souvent explosif, s'était, à je ne sais quelle occasion, déchaîné, mais d'une manière incroyable, contre Michelet. Ça m'avait beaucoup scandalisé. Il disait que Michelet n'avait fait que de l'histoire fictive, que c'était une série d'images d'Épinal. Enfin, à ce moment-là, je n'avais jamais étudié Michelet de près, j'avais été très malheureux. Eh bien, je dois vous dire que maintenant, je finis par donner raison à Bernanos, et que, après avoir relu, il y a de ça 5 ou 6 ans, de près, l'histoire de la révolution de Michelet, je me suis aperçu, en effet, que ça ne tient pas. Sur la révolution, il y a des études nombreuses. J'ai fait signaler par M. Benoît les travaux d'Albert Mathiès, que vous connaissez bien, mais il y a depuis un autre Albert, qui s'appelle Albert Soboul, qui a fait une série d'études sur la Révolution française que je trouve pour ma part décisives. En particulier un livre qui s'appelle La Révolution, oui, ou La Première Révolution, oui, et qui va jusqu'à 94, si je m'arrêterai là, le 9 Thermidor, simplement un petit excursus à la fin, et que je crois, enfin ce livre-là, je le crois définitif. Alors voyons, nous allons partir en effet de Michelet, et peut-être vous rappelez-vous que Michelet insiste beaucoup sur ce qu'il appelle le côté désintéressé du mouvement de 89. Il dit, il est important de savoir à quel point les idées d'intérêt furent étrangères au mouvement de 89. Oui, la révolution fut désintéressée, ce fut son côté sublime. Ben, il n'y a plus moyen aujourd'hui de donner dans ces bilvésées. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Au cours du XVIIIe siècle, se constitue en France une classe nouvelle. On l'appellera, si vous voulez, la richesse mobilière, par contraste avec la richesse immobilière. La richesse immobilière, c'était la terre, et c'était la noblesse et le clergé qui pratiquement possédaient toute la terre. Mais voilà qu'au XVIIIe siècle, une expansion économique commence, et des échanges s'établissent, des manufactures se créent, beaucoup plus importantes que je l'imaginais, par exemple le Cambon, qui aura un rôle dans la Révolution, à 2 à 3 000 ouvriers dans la région de Montpellier. Les vents robins dans le nord ont 4 à 5 000 ouvriers. Enfin, il y a beaucoup plus de prolétariat industriel que je n'imaginais. Il y a un grand prolétariat rural, vous savez, c'était les journaliers. Mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des grands commerçants, des banquiers, des manufacturiers qui constituent une nouvelle classe et qui prennent conscience de ce qu'ils sont une nouvelle classe. Alors ces gens estiment, et je les comprends très bien, qu'ils n'ont pas la place qu'il leur revient dans la gestion des affaires nationales. Pratiquement, c'était, vous le savez bien, l'aristocratie derrière le roi, mais le roi suivait les conseils qu'on lui donnait, donc la richesse immobilière qui dirigeait la France. Et ces gens de cette nouvelle aristocratie financière, si vous voulez, estiment qu'il est inadmissible que ce soit uniquement cette classe de la richesse immobilière qui dirige les affaires nationales. Ils ont des orateurs, Barnave, en particulier Barnave, qui va jouer un rôle à la Constituante et qui était un des clients des Perrier. Tiens, j'ai oublié de vous nommer les Perrier tout à l'heure, les Perrier qui travaillent à Vizy, vous savez, enfin dans la région du Dauphiné, qui ont également beaucoup d'ouvriers, qui ont déjà des compagnies d'assurance à Paris. Ce sont les Perrier qui ont amené l'eau courante dans un certain nombre d'appartements de Paris vers la fin du siècle. Et bien Barnave, qui était un avocat au service des Perrier, avait écrit en 1688 un petit texte extrêmement important à mon avis, où il dit « Une nouvelle distribution de la richesse appelle, ça veut dire exige, une nouvelle distribution du pouvoir. » C'est-à-dire, nous n'acceptons pas, nous qui représentons une puissance considérable en France, n'acceptons pas d'être soumis aux bonnes volontés ou aux bons plaisirs de l'aristocratie. Comment faire pour obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire une participation au levier de commande ? Eh bien, l'occasion leur en est fournie par la situation financière de la France en 1789, qui était une situation désastreuse. Plus de la moitié du budget passait aux arrérages de la dette. Car le régime de Louis XV et le régime de Louis XVI avaient vécu d'emprunt, perpétuellement d'emprunt. Ils avaient, on peut le dire, un homme dans la place, c'était le banquier suisse Necker, qui, par des moyens multiples, était arrivé à s'imposer grâce à sa femme Beaucoup, qui avait ouvert un salon littéraire et philosophique à Paris. Necker était arrivé à s'imposer à ce qu'on appelait l'intelligentsia française, et il avait été chargé de la trésorerie royale. Il faut savoir, et je sais bien qu'on n'aime pas beaucoup le dire, parce qu'il y a toujours des Necker aujourd'hui, il faut savoir que Necker s'était prodigieusement enrichi précisément quand il avait été trésorier de France. Bien sûr, si vous écoutez Madame Necker, elle vous dira, dès que mon mari avait été nommé dans un poste officiel français, il avait cessé son activité bancaire. N'en croyez rien. Simplement, on avait changé de titre. La banque Necker s'appelait Tellusson Necker. Elle s'appelle maintenant Tellusson Germanie. Germanie est un nom entièrement fictif, c'est le frère de Necker qui est là. Germanie, c'est le nom d'une terre qu'il possédait dans le pays de Vaud. Alors, Monsieur Germanie, alias Necker, continue les opérations. Et comme Necker, au moment du soutien que la France apporte aux insurgents de cette Amérique, vous savez, quand la France a participé à la Révolution américaine, avait besoin de liquide, Necker faisait de nouveaux emprunts et prêtait lui-même au Trésor français par l'intermédiaire de sa banque. Et savez-vous qu'il arrivait à prêter jusqu'à 14%, qui est tout de même pas mal. Aujourd'hui, on est habitué de gros chiffres, mais 14%. Ben, c'est ce qui va lui permettre d'acheter le château de Coppet. Enfin, ça, c'est une parenthèse que je termine rapidement. Alors, bon, la situation française financière était désastreuse. Alors, le roi va recourir, comme vous le savez, aux états généraux. Les états généraux, c'est les trois ordres, c'est le clergé, c'est l'aristocratie et c'est le tiers-état. Attention à tiers-état. Sieyès et les grands orateurs du tiers-état vont passer leur temps à dire qu'est-ce que c'est que le tiers-état ? C'est tout, pratiquement c'est tout, il n'a encore pas de représentation, ce tout demande à être quelque chose, alors qu'il n'est rien. Mais faites bien attention que quand ils disent, ces messieurs, quand ils disent tiers-état, ils entendent la frange suprême du tiers-état, c'est-à-dire la roture dorée. Il y a deux tiers-états en fait, en réalité, il y a un quatrième état. Il y a la roture riche, celle dont je viens de vous parler, cette roture mobilière, qui est en effet roturière, ce ne sont pas des aristocrates. Ils ne sont donc pas des privilégiés, puisque les aristocrates ne payent pas d'impôts. Eux, ils payent des impôts. Seulement, qu'est-ce qu'ils représentent dans la masse de la roture française ? Ils représentent 1% à peu près. Puis il y a 99% dessous qui sont le véritable tiers-état, c'est-à-dire le quatrième état, c'est-à-dire les journaliers d'une part et les manufacturiers d'autre part, les ouvriers journaliers étant de beaucoup les plus nombreux. Voltaire est quelqu'un qui, au point de vue religieux, a les idées que vous savez. Mais l'on ne sait pas assez qu'il avait des idées sociales et politiques. Et il y a une phrase de Voltaire que j'ai trouvée dans le livre de M. Pommeau. Vous savez, Pommeau est l'homme, le voltairien actuel, professeur à la Sorbonne, qui a fait un livre extrêmement remarquable sur la religion de Voltaire. Et c'est Pommeau qui m'a révélé une phrase de Voltaire d'une extrême importance et que je vais vous dire lentement, parce que Voltaire indique là sa conception politique et sociale. Un pays bien organisé, disait Voltaire, est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. C'est une morale d'entretenu. Ben, c'était exactement la morale de ceux qui désiraient prendre le pouvoir et qui, s'intitulant tiers-état, ne représentaient que cette frange suprême et dorée, comme je viens de vous dire, du tiers-état. Alors, pour essayer de contraindre le roi à l'obéissance, c'est-à-dire de contraindre le roi à leur donner une part à la gestion des affaires nationales, il faut qu'ils se fassent menaçants. Et ils ont, ceux du tiers-état qui se sont fait déléguer aux états généraux, ils ont toute la puissance derrière eux de cette immense foule que nous appellerons, si vous voulez, le prolétariat, quoique à ce moment-là, le mot n'était pas encore en usage. M. Gaxot a écrit en 1929 un livre récemment réédité qui s'appelle tout simplement « La Révolution française ». M. Gaxot dit, si nous regardons de près ce qu'était la situation économique et sociale de France, il faut avouer, dit-il, que l'ensemble était cossu. Admirable, cette phrase, quand on sait en réalité ce que c'était que la situation des Français qui étaient, eux, des travailleurs. Une étude a été faite par quelqu'un qui ne passe pas pour un marxiste et qui s'appelle Edgar Faure. Edgar Faure a fait un excellent livre sur la chute de Turgot. Et c'est Edgar Faure qui nous apporte là, parce que c'est un travailleur, vous savez, qui nous apporte des détails extrêmement précis. Qu'est-ce qui gagnait les ouvriers français, qu'il s'agisse des manufactures ou qu'il s'agisse surtout de la paysannerie, qu'est-ce qui gagnait ? Ils gagnaient 20 sols par jour en moyenne. Par jour ouvrable, hein, 20 sols par jour ouvrable. Et il y avait des quantités de jours qui n'étaient pas ouvrables, il y avait tous les dimanches, puis il y avait des quantités de fêtes chômées. Mais même quand c'est dimanche et une fête chômée, il faut quand même manger. Alors ils avaient leurs 20 sols par jour quand ils travaillaient. La nourriture de base du prolétaire à ce moment-là, c'était ce qu'on appelait la miche de pain. On ne parlait pas de kilos, c'est une miche de 2 kg, on disait une miche de 4 livres. Vers 1750, la miche coûtait 8 sols. Ça pouvait encore aller, hein, quand on pense qu'on avait 20 sols par jour quand on travaillait, qu'on en dépensait déjà 8 pour se nourrir, il restait pas beaucoup pour se loger et pour se vêtir, mais enfin, ça pouvait aller tout de même. Mais entre 1750 et 1789, le prix de la farine et le prix du pain ne va cesser de croître. Et c'est pas pour rien qu'un certain 14 juillet 1789, le prix du pain est arrivé à 14 sols dans Paris. Alors 14 sols pour manger, voyez ce qui reste. Donc il y avait là une masse disponible pour tout mouvement qu'on pouvait lui demander. Et même quand on ne lui demandait pas. Car au milieu de l'année 1700, enfin la deuxième partie du 18e siècle, et en particulier en 1788, des émeutes, de la famine, s'étaient produites à Paris. Avant la réunion des États généraux, qui je crois, si je me rappelle bien, était le 4 mai 1789, et bien le 18 avril, il s'était produit une émeute de la misère à Paris. On avait appelé ça l'émeute Révillon. C'était un marchand de papier peint qui était au faubourg Saint-Antoine. Il paraît qu'il ne payait pas mal ses ouvriers, mais enfin encore insuffisamment. Alors les ouvriers s'étaient mis en grève, et ça avait été une grève qui avait fait tache d'huile, puisque des ouvriers qui n'étaient pas de chez Révillon, mais qui étaient du faubourg Saint-Antoine, d'autres étaient venus du faubourg Saint-Marcel, avaient fait une émeute enfin, extrêmement violente, où on avait été obligé de faire donner non seulement la police, mais l'armée, et il y avait environ, on n'a jamais su le chiffre précis, environ de 125 à 150 morts. Une émeute qui fait de 125 à 150 morts dans Paris, c'est quelque chose. Alors vous voyez qu'il y avait là une masse disponible qui pouvait servir de bélier. Le roi avait d'abord cédé, comme vous le savez, il avait accepté que les États généraux se transformassent en Assemblée nationale, le tiers avait obtenu gain de cause, tout semblait bien marcher, on allait faire une constitution, puisque la France n'avait pas encore de constitution à ce moment-là, donc les pouvoirs du roi seraient limités par cette constitution que l'Assemblée dite constituante allait voter. Voilà que le 12 juillet 1789, le roi brusquement fait marche arrière. Le roi va renvoyer Necker et va appeler au pouvoir ce qu'on appellerait aujourd'hui un ministère réactionnaire avec un nommé Breteuil. Alors cette fois, ça ne va plus, puisque le roi décide qu'il n'obéit plus, que la bourgeoisie parisienne avait l'impression qu'elle gagnait la partie, et il faut qu'elle contraigne le roi, et pour la première fois, sachant que c'est périlleux, et vous allez voir comment elle va se comporter, la municipalité bourgeoise de Paris décide d'appeler à la rescousse et d'appeler à la violence le peuple de Paris. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de violence. Le 13 juillet 1789, les grands bourgeois de Paris distribuent des armes aux petites gens. Ces armes ont été prises à l'hôtel des Invalides. On leur donne des fusils, on leur donne deux canons, on leur donne de la poudre et on leur dit « vous allez foncer ». Foncer sur quoi ? Eh bien, sur la Bastille. Ce n'était pas une prison importante, mais c'est une prison symbolique. La Bastille, c'était là où on pouvait, par lettre de cachet, interner qui on voulait. Cette Bastille représente pour nous l'autocratie. Foncez. Ce ne sont donc pas les bourgeois de Paris qui vont risquer leur vie, mais c'est des petites gens. 97 morts. Hein, 97 morts dans la prise de la Bastille. Le roi prend peur. L'armée ne marche pas. L'armée était commandée par un Suisse, ami de Necker. Et comme il s'agissait de faire rentrer Necker au pouvoir, le chef de l'armée n'avait pas déchaîné ses bataillons. Si bien que le roi est épouvanté et que le soir même du 14 juillet, il rappelle Necker. Donc la bourgeoisie a gagné. Mais cette bourgeoisie parisienne se rend bien compte qu'elle a fait quelque chose de très imprudent en donnant à la petite plèbe le sentiment de sa puissance. Je voudrais là vous citer une phrase qui est de Maurice Barrès et que vous trouvez dans ses Déracinés qui est de 97, je crois. Et Barrès dit « La première condition de la paix sociale est que les pauvres aient le sentiment de leur impuissance. » Et bien voilà que tout à coup, les pauvres de Paris avaient le sentiment de leur puissance, puisque c'était eux qui avaient fait reculer le roi et qui avaient fait revenir Necker. Mais la bourgeoisie parisienne se dit, c'est extrêmement dangereux ce que nous avons fait. Il le fallait parce qu'on avait besoin de faire reculer le roi, mais il s'agit maintenant de récupérer ces armes que nous avons mises dangereusement entre les mains de la petite plèbe de Paris. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien le 15 juillet au matin, la municipalité de Paris annonce, par des affiches, que quiconque rapportera les fusils qu'on leur a prêtés ou qu'on leur a donnés gratuitement, bien sûr, le 12, recevra 40 sols. 40 sols, c'est-à-dire deux journées de travail. Et la plupart des fusils vont revenir. Vous comprenez que ces gens sont trop contents. Ils ont des fusils entre les mains. Bon, ils se sont plus ou moins battus. Il y en a 97 tués, mais il y en avait des milliers qui s'étaient lancés dans l'affaire. S'ils rendent le fusil, ils ont 40 sols, c'est intéressant. Les fusils reviennent. Mais cette même bourgeoisie parisienne, dirigé par le marquis, n'oubliez pas le marquis de Lafayette, se dit, oui, bon, pour l'instant ça va, mais tout de même, C'est extrêmement dangereux ce que nous avons fait, ça peut avoir des répercussions. Cette petite plaie peut se dire, mais quand on a des fusils entre les mains, on se fait obéir. Alors, à la fin de la journée du 15 juillet, le marquis de Lafayette fait la proposition suivante à la municipalité de Paris. Créons donc, dit-il, ce que nous appellerons une milice bourgeoise. Puis comme le mot paraît trop nu, on changera le terme. On appellera ça la garde nationale. Et à partir du lendemain, 16 juillet, une garde nationale va se constituer. Faite de volontaires. N'importe qui peut entrer dans la garde nationale. Vous entendez, n'importe qui. À condition de payer son uniforme. L'uniforme coûtait 80 livres. Personne de la classe prolétaire ne peut payer 80 livres en uniforme. Par conséquent, on est tranquille, on sera entre gens de bonne compagnie. Alors la garde nationale, c'est en effet une milice supplétive, une armée de contraintes, il y aura la police, il y aura l'armée, il y aura la garde nationale pour faire tenir tranquille les pauvres gens. Puis maintenant, il faut faire la Constitution. Vous savez, c'est en effet une des grandes choses, une grande réalité noble de la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme qui avait voté à l'unanimité. Si notre Révolution française de 89 a encore aujourd'hui le prestige qu'elle a, c'est grâce à cette Déclaration des droits de l'homme. Elle avait été, il faut le dire, préparée par une certaine déclaration américaine, mais enfin la déclaration américaine avait eu beaucoup moins de retentissement que n'aura maintenant cette grande déclaration des droits de l'homme que les constituants français votent à l'unanimité. Et peut-être vous rappelez-vous que l'article principal de la déclaration des droits de l'homme était le suivant, « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Voilà ce qu'il y a de plus important dans la déclaration des droits de l'homme. Après avoir voté ça à l'unanimité, les constituants vont voter leur constitution. Vous allez voir ce que va devenir l'application pratique de ce que je viens de vous dire, à savoir que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Égalité. Eh bien, Seyès et ses amis de la Roture Dorée vont diviser les Français, les citoyens français, en deux groupes. Il n'y a plus de sujets du roi maintenant, il n'y a plus que des citoyens. Seulement, il y aura des citoyens actifs et des citoyens passifs. Les citoyens actifs seront ceux qui ont le droit de vote. Et c'est vraiment de l'humour noir que d'appeler encore citoyens ceux qui seront des citoyens passifs, c'est-à-dire qui n'auront aucun droit, sinon d'obéir à la volonté des plus puissants. Car la distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs sera une distinction d'argent. Il sera décidé maintenant que le vote sera censitaire, comme on dit, payer un cens, il faut payer tant d'impôts pour avoir le droit de voter. Là voilà l'égalité selon l'Assemblée constituante. Quant à la liberté, Robespierre, qui est un esprit fou, Robespierre avait dit, mais nous avons tous voté cette déclaration des droits de l'homme, nous avons encore des colonies, oh la France n'en avait plus beaucoup, vous savez, les Antilles à ce moment-là. Enfin, aux Antilles, il y a des esclaves noirs. Alors nous n'avons pas décidé que dans la déclaration des droits de l'homme, on faisait une distinction entre la couleur de peau. Je demande donc qu'il n'y ait plus d'esclavage dans nos colonies. Hurlement du côté du lobby colonial très puissant, il y avait Barnave, il y avait Lafayette, qui ne demandent pas question, ça les Noirs sont en dehors de la déclaration des droits de l'homme, alors on va maintenir l'esclavage dans les colonies françaises. Mais il y a d'autres Français qui n'ont pas la peau noire et qui ne sont pas non plus considérés comme des citoyens libres. Ce sont les ouvriers. Puisque la loi Le Chapelier, qui va être votée au mois de mai 1791 par une assemblée constituante dont le règne se prolonge, ça va durer jusqu'en septembre 1791, la loi Le Chapelier interdit, vous m'entendez, interdit sous peine de prison toute coalition entre salariés pour enchérir leur travail. Enchérir leur travail, ça veut dire demander à être payé un peu davantage. Alors, interdiction est faite aux ouvriers de se coaliser, de se réunir, de se syndiquer, quoi, pour défendre leurs intérêts. Alors, vous avez d'un côté cette étrange égalité établie par la Constituante qui distingue les citoyens passifs et les citoyens passifs, actifs et passifs, et vous avez d'autre part l'interdiction faite aux Noirs d'avoir la liberté et l'interdiction faite aux ouvriers de pouvoir se défendre. Le 4 août 89, s'était produit un incident que M. Michelet nous raconte avec des larmes dans la voix. C'est la fameuse nuit du 4 août où, paraît-il, et je l'ai cru longtemps, l'aristocratie s'était immolée sur l'autel de la patrie. Ce sont les termes de M. Michelet. Les aristocrates indignés eux-mêmes d'avoir encore le droit d'exiger des... non pas des dîmes, ça c'était le mot réservé aux ecclésiastiques, mais des droits féodaux qui ne se justifiaient en rien et qui faisaient payer leurs paysans. D'après M. Michelet, ces aristocrates, brusquement saisis de honte, avaient décidé qu'ils renonçaient à leurs droits féodaux. Je vous conseille, si ça vous amuse, de vous reporter au texte de Michelet là-dessus. Cet historien entre en transe. Il dit, à ce jour-là, 1000 ans de féodalité étaient abolis d'un seul coup, il n'y avait plus de distinction entre Français, tous Français, tous égaux, vive la France. Oui, c'est comme ça qu'il écrit dans son livre, il a fait le droit. Mais si on regarde d'un peu près ce qui s'est passé dans cette nuit du 4 août, on voit que ça n'est pas exactement ce que j'ai cru et ce que beaucoup de Français ont cru à ce moment-là. Pourquoi est-ce que le 4 août, des aristocrates ont en effet fait une certaine proposition? Pourquoi? Parce qu'il s'était produit à travers la France un certain mouvement, la France rurale, un mouvement extrêmement inquiétant. Quand les paysans avaient eux-mêmes choisi les notables qu'ils avaient envoyés pour les défendre aux états généraux, ils s'attendaient tous, ces malheureux paysans, que leurs dîmes ecclésiastiques et leurs droits féodaux laïques fussent abolis. Les mois avaient passé, puisque c'était le 4 mai 89 que les états généraux s'étaient réunis. Le 14 juillet, il s'était produit quelque chose de tumultueux à Paris, on ne savait pas très bien, mais enfin, il y avait de l'agitation. Et à la fin de juillet, il n'y avait toujours rien, c'est-à-dire que les dîmes ecclésiastiques étaient toujours là et que les droits féodaux persistaient. Alors un certain nombre de ces paysans avaient trouvé ça très désagréable et ils s'étaient très mal conduits, ils s'étaient jetés sur les châteaux, ils avaient brûlé quelques châteaux, ils brûlaient même quelques châtelains, enfin horrible. Alors épouvante de l'aristocratie qui délègue deux de ses membres à la tribune et qui annonce « Nous sommes prêts à accepter la disparition de nos droits féodaux qui sont maintenant rachetables ». Et ils sont rachetables au denier 30. Je n'y comprenais rien, mais ce n'est pas Michelet qui va me l'expliquer. Mais vous le trouvez chez Jaurès, dans son Histoire socialiste de la Révolution française. Le denier 30, cette formule un peu mystérieuse, signifiait ceci. Si un paysan, un de nos serfs, un de nos esclaves, arrive demain ou un de ces jours chez nous, moi, chez moi le patron, et m'apporte les 30 années de droits féodaux qui me devraient pour 30 ans, ben, s'il me remet d'un seul coup ces 30 annuités de droits féodaux, il n'aura plus à en payer. C'est rachetable, à condition qu'on le paye 30 ans. Mais c'est, évidemment, c'est pas ça qu'on va annoncer. Les journaux n'ont pas de manchette à cette époque, mais enfin, on va faire publier à travers toute la France, l'aristocratie est prête à renoncer à ses droits féodaux. Les pauvres types y croient, et en effet, l'insurrection, enfin, les ébranlements dont je vous parlais, disparaissent. Mais de même qu'il y avait eu à Paris une vive inquiétude parce qu'on avait déchaîné la petite plèbe et qu'il fallait lui retirer ses fusils, de même on va créer dans toutes les campagnes de France, dans toutes les bourgades, des gardes nationales. Et ces gardes nationales rurales seront là pour tenir en respect les paysans, comme la garde nationale parisienne est là pour tenir en respect le prolétariat parisien. Le 14 juillet 1790, donc pour le premier anniversaire de la prise de la Bastille, va se réunir une très grande fête, va avoir lieu une très grande fête qui s'appelle la Fédération. Là encore, sur la foi de Michelet, quand j'étais jeune, j'avais marché, je m'étais dit, c'est extrêmement beau cette Fédération. D'après Michelet, c'est la première fois que la France a compris qu'elle formait une unité. Le patriotisme français serait né, paraît-il, le 14 juillet, dans la Fédération de toutes les provinces de France qui se réunissent dans l'unanimité vigoureuse, enfin chaleureuse, et qui prennent conscience de leur état de nation. C'est pas ça du tout, mais absolument pas. Qu'est-ce que c'est que la Fédération ? D'abord, qui vient à la Fédération? Des délégations de garde nationale. La garde nationale parisienne a invité toutes les gardes nationales, soit rurales, soit des villes de France. C'est les gardes nationales qui se réunissent en armes, sur cette grande étendue du Champ de Mars, au centre de laquelle on a établi un hôtel sur lequel des prêtres, avec une ceinture tricolore, ont officié, dirigé par un évêque extrêmement dévot qui s'appelait M. de Talleyrand. Et à la suite de ce serment qui a été prononcé, on va voir grand défilé de ces gardes nationaux parisiens, provinciaux et ruraux, avec leurs fusils, avec des canons même. Ils sont là tous pour bien faire comprendre aux citoyens passifs que les citoyens passifs n'ont pas à se mêler des affaires nationales. Ils sont là pour dire « Nous sommes la bourgeoisie armée, ne bougez pas !» Robespierre va à la tribune prononcer une phrase que l'on ne cite jamais et qui me paraît d'une extrême importance. Robespierre va dire, c'est aux classes fortunées que vous voulez transférer la puissance. Vous, dit-il à ses amis les constituants, vous voulez diviser la nation en deux classes dont l'une ne sera armée que pour contenir l'autre. Ben, c'est pas de la polémique, c'est de la photographie. C'est exactement ce qui s'était passé le 14 juillet 90. Et le 17 juillet 91, la constituante étant toujours là, il va se passer une illustration extraordinaire de cet avertissement menaçant que constituait la Fédération du 14 juillet 90. Pour comprendre ce qui s'est passé le 17 juillet 91, il faut que je vous rappelle l'incident du mois de juin. Vous savez peut-être que le roi, avec Louis XVI, avait juré fidélité à la Constitution. Ce serment ne paraissait pas l'engager, il avait l'impression que ce serment lui avait été extorqué par la menace, et il avait donc décidé d'essayer de briser son serment et de s'enfuir. Il était au palais des Tuileries, et avec son ami Bouillet, qui dirigeait un certain nombre de régiments français, il avait été entendu ce qui suit. Bouillet devait réunir, non pas des étrangers, enfin si vous voulez, dans, on ne faisait pas appel à des Autrichiens ou à des Prussiens, on faisait appel à des régiments français, mais vous savez sans doute qu'à ce moment-là, l'armée française était composée de mercenaires et qu'il y avait des quantités de mercenaires étrangers. Alors Bouillet, à Montmédy, vous voyez, au nord-est de la France, devait réunir un certain nombre de bataillons ou même de régiments de mercenaires étrangers. Il y avait des Polonais, il y avait surtout des Croates. Et le roi, déguisé, devait sortir du palais des Tuileries avec sa femme et sa famille et aller retrouver Bouillet pour se mettre à la tête de ces combattants, de ces mercenaires étrangers, mais tout de même soldats français, puisqu'ils étaient payés par la France, et revenir de Montmédy sur Paris dans un orage de fer et de feu pour rétablir la situation telle qu'elle était en 1688. Et vous savez aussi que le plan du roi va être déjoué, que c'est la fameuse arrestation de Varennes, vous savez l'histoire, enfin, il a été reconnu quand il changeait de chevaux, et il est capté, il est happé, et on le ramène à Paris. Le roi qui est ramené à Paris, Lafayette et ceux qui sont favorables au maintien de la monarchie, disent « bon, on va passer l'éponge, il a fait quelque chose, c'est pas de sa faute, il a été enlevé, c'était pas de sa faute ». Mais alors il y a des petits gens, et poussés par de vilaines gens comme Marat par exemple, qui n'acceptent pas que l'on maintienne sur le trône, puisque le roi était toujours sur son trône, un prince qui a essayé, par la force, de renverser la Constitution et qui a voulu briser son serment. Alors voilà que sur cet hôtel qu'on avait encore conservé depuis le 14 juillet 90, cet hôtel au centre du Champ de Mars, on ouvre un registre. Et sur ce registre, n'importe qui, tout le monde, y compris les citoyens passifs, est appelé à poser sa signature au bas d'une demande de déchéance. C'était ce qu'on appellerait aujourd'hui l'extrême-gauche, c'était le club des Cordeliers, c'était la gauche des Jacobins qui avait pris cette initiative. En somme, une espèce d'appel à la population de Paris pour dire, manifestez tranquillement, par des signatures, votre volonté de déchéance d'un roi auquel nous n'avons plus confiance. Le 17 juillet 91, c'était un dimanche, il faisait très beau, il y avait une foule considérable qui était venue signer. Des quantités de familles même venaient, des ouvriers avec leurs femmes et leurs gosses, et ils s'amenaient, ils se mettaient en ligne, en file, là, pour aller apposer des signatures plus ou moins maladroites sur le registre. Le maire de Paris s'appelait Bailly, général en chef de la garde nationale s'appelait le marquis de Lafayette. Et ce 17 juillet 91, sans avertissement, Lafayette fait ouvrir le feu sur cette foule entièrement désarmée pour apprendre à ces gens qu'ils n'ont pas le droit de se mêler des affaires de l'État puisqu'ils ne sont que des citoyens passifs. Là non plus, on ne saura pas le chiffre des morts. Robespierre, qui est porté à l'exagération, dira 1800 tués, c'est sûrement faux. Mais vraisemblablement, plus de 1000 tués. Mais il faut savoir, voyez-vous, dans les livres, on met 14 juillet 89, en lettres rouges, la grande affaire de la Révolution française, je désirerais beaucoup que l'on mit en lettres au moins aussi rouges et au moins aussi capitales, la date du 17 juillet 91. C'est le jour où la bourgeoisie a ouvert le feu sur ces gens qui ne demandaient rien, sinon la déchéance du roi, et qu'ils le demandaient légalement et tranquillement. Alors voilà tout de même l'Assemblée nationale qui a fini son travail, qui décide de se dissoudre, et va commencer la deuxième partie de la Révolution, c'est-à-dire maintenant le fonctionnement de la Constitution. La Constitution prévoyait une seule chambre qui s'appellerait l'Assemblée législative. Il y a donc le roi, il y a l'Assemblée législative. L'Assemblée législative peut voter des lois. Le roi a droit de veto. C'est-à-dire que si l'Assemblée législative propose telle loi que le roi n'accepte pas, il a le pouvoir de refuser. L'Assemblée législative... Robespierre avait eu une idée naïve. Il y a un côté de naïveté, je vous le dirai tout à l'heure, il y a un côté curieux de naïveté chez Robespierre. Robespierre s'était dit, il faudrait arriver à changer le personnel politique. Je vois bien ce que c'est que mes camarades de la Constituante. Ah, j'ai oublié de vous dire une phrase de Robespierre qui était très importante. Je la dis maintenant parce qu'elle me revient. Robespierre, dans un petit tract de février 89, c'est-à-dire au moment où il s'agissait du vote de la délégation du tiers-État d'Arras, puisqu'il est d'Arras, comme vous savez, aux États généraux, Robespierre avait écrit ce qui suit dans son petit tract. La plus grande partie de nos concitoyens est aujourd'hui réduite par l'indigence à ce suprême degré d'abaissement où l'homme, uniquement occupé de survivre, de manger, quoi, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. Si j'employais un langage contemporain, je vous dirais que c'est de la dynamite, une phrase comme celle-là. Puisque Robespierre demande aux gens de réfléchir aux causes de leur misère. Bon, ben Robespierre était très découragé de voir ce qu'avaient fait les constituants, et il s'est dit qu'il faut changer le personnel politique, on va renouveler grâce aux élections à la législative, et peut-être que les nouveaux élus auront un peu plus de générosité humaine que leurs prédécesseurs de la constituante. Alors il avait proposé une mesure suicidaire. Et cette mesure suicidaire, il avait eu assez de prestige pour la faire accepter. À savoir qu'il avait dit à ses camarades de la Constituante, nous autres, tous, tant que nous sommes membres de la Constituante, nous ne serons pas éligibles à l'Assemblée législative. Moi, le premier Robespierre, j'accepte de ne pas me présenter. Et je demande que mes camarades, enfin, que mes collègues fassent comme moi. On l'avait écouté, donc aucun membre de la Constituante ne pouvait être membre de la nouvelle Assemblée dite législative. Mais la naïveté de Robespierre consistait en ceci, que les élections allaient se faire sans citaire. Seuls allaient voter ceux qui avaient des moyens. C'est ce qu'on appelle les gens de bien. On n'est pas un gens de bien si on n'a pas du bien. Vous comprenez ? Alors Robespierre ne s'aperçoit pas que des élections sans citaire vont donner, évidemment, une chambre propriétaire. Ce sont uniquement des notables qui vont être élus dans cette Assemblée législative. Des notables, des gens installés. Et immédiatement, on va voir se dégager de cette nouvelle Assemblée un peloton de tête, qu'on appellera rapidement les Girondins. Pourquoi les Girondins? Parce que le premier noyau est composé de députés de la Gironde, brillants en effet. Le plus remarquable étant Vergniaud. Il était très beau, Vergniaud. C'est une espèce de playboy girondin. Il avait toutes sortes de succès féminins à Paris. Derrière lui, il y avait Gadet. Gadet était pas mal non plus. Il parlait du nez, alors on l'appelait le canard. Alors il y avait Vergniaud, il y avait Gadet, il y avait Jansonnet. Puis il y a des gens qui n'étaient pas girondins, mais qu'on va appeler les Girondins parce qu'ils se groupent derrière ceux qui étaient les députés de la Gironde. Il y a le parisien Pétion, il y a Brissot, il y a le vieux Roland. Pourquoi l'appelait-on vieux? Il avait 57 ans, je le trouve toujours. Enfin, il y avait Roland, il y avait Barbaroux, il y avait quelqu'un dont je vous prie de garder en mémoire le nom, il s'appelait Monsieur Isnard, un parfumeur, Duval, Isnard. Et puis il y avait un marquis qui tenait beaucoup à être un marquis, il s'appelait Marquis de Condorcet, et qui va se joindre à ce groupe. À propos de ces Girondins, je vais vous raconter quelque chose sur Lamartine. J'ai l'air de sortir du sujet, mais vous savez peut-être bien que Lamartine a fait un bouquin qui s'appelle « L'histoire des Girondins ». J'ai fait ma thèse sur Lamartine, tu me connais comme Lamartine, alors je connais un peu le bonheur. Et figurez-vous qu'il avait commencé son livre en 1843, il va le publier en 1847, et entre 1843 et 1847, son optique avait complètement changé. Car Lamartine était beaucoup plus sérieux que je n'imaginais. J'avais lu rapidement, quand j'étais jeune, l'histoire des Girondins, je m'étais dit, c'est de la littérature, enfin c'est des phrases, c'est du Lamartine brillant, mais pas substantiel. Et je me suis aperçu que Lamartine avait beaucoup travaillé. J'ai pu voir de mes yeux, à Saint-Point, qui est toujours dans la famille Lamartine, une malle énorme, 1,30 m sur 1 m, avec dessus documents ayant servi à l'histoire des Girondins. Il faudrait qu'un jeune homme, toutes les fois que je fais cette conférence, je fais appel comme ça à un jeune type, fasse une thèse sur les documents, que je n'ai pas eu le temps de voir, puis je suis trop vieux, des documents qui ont servi à l'histoire des Girondins. Alors figurez-vous, quand Lamartine avait commencé en 1943, il vivait sur une idée simpliste des Girondins, il s'était dit, dans l'histoire, si on oppose Girondins et Montagnards, gens de la montagne, vous savez qu'ils étaient sur les degrés supérieurs de l'Assemblée, les Montagnards, c'est des fous furieux, c'est des gens couverts de sang, avec Robespierre. Tandis que les Girondins, c'était la République pure et dure, s'entendu, dure, mais pure. Ce ne sont pas des gens qui ont les mains sanglantes. Alors il était parti avec l'idée de mettre au pinacle les Girondins. Et quand Lamartine, en 1847, termine son travail, son optique, comme je disais tout à l'heure, s'est complètement renversée. Et voilà ce qu'il dit, je l'ai appris également par cœur, voilà ce qu'il dit sur les Girondins. Les Girondins étaient des gens parfaitement résolus. À laisser subsister dans les profondeurs de la nation toutes les iniquités, ils voulaient changer, le mot m'échappe maintenant, transférer, enfin je ne sais pas le mot transférer non plus. Ils voulaient faire qu'après, à la place de la dictature d'un seul, la dictature du roi, s'établisse la dictature de la richesse, de telle sorte que la France, au lieu d'avoir un seul tyran, en eut maintenant plusieurs milliers. Et bien, quand Lamartine écrivait ça en 1847, il ne faisait que préluder à l'avis que Jaurès donnera dans son admirable histoire socialiste de la Révolution française, et où Jaurès définira les Girondins en les appelant une oligarchie de grands bourgeois, beaux parleurs et arrogants. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Girondins? L'Assemblée législative est en principe élue pour 2 ans. Et vous savez déjà qu'elle ne durera pas ces 2 ans, puisqu'elle se réunit en 1er octobre, je crois, 91, et qu'elle va disparaître dans la violence le 10 août 92. Donc, à peine une année. La seule réalisation que vont faire les Girondins, qui sont pratiquement les maîtres de cette assemblée, c'est la guerre. Vous savez bien qu'en avril 92, la France va se trouver en guerre avec l'Autriche, avec la Prusse et bientôt avec l'Angleterre. Regardons un peu les choses de près, car là aussi j'ai à remonter toute une pente. Si j'avais été autrefois professeur d'histoire, j'aurais certainement enseigné des mensonges, les mensonges reçus. Ces mensonges, encore en circulation aujourd'hui, sont de deux ordres. On vous dit, on m'a dit à moi-même, c'est ce que j'ai appris quand j'étais au lycée de Mâcon, on m'a dit que cette guerre était indispensable parce que la France était terriblement menacée. Il y avait sur ses frontières l'Autriche, car l'Autriche possédait, vous savez, les provinces, une partie des provinces rhénanes et la Belgique. C'était l'Autriche qui était en Belgique, donc elle était voisine de la France, et la Prusse. qui régnait en Autriche, c'est le frère, même à ce moment-là, le frère de Marie-Antoinette. Par conséquent, il y avait des chances pour que l'Autriche ne permît pas longtemps cette révolution française de se développer. D'autre part, il y avait les émigrés. Que c'était les émigrés? C'était des officiers en particulier qui ne voulaient plus servir une France sans culotte. Enfin, c'est absolument indécent. Alors, ils étaient allés à Koblenz. Koblenz, c'est sur le Rhin. Ils se réunissaient là, ils faisaient des moulinets avec leurs épées et ils annonçaient qu'ils allaient revenir victorieusement à travers la France. Alors, nous disait-on, enfin, on m'a dit à moi, ça, petit télécolier, on m'a dit, la France a fait une guerre préventive. Ça existe, les guerres préventives. A fait une guerre préventive parce qu'on savait bien que la France allait être attaquée. Faux. Premièrement, les émigrés, n'en parlons pas, ils étaient 15 000. Comment voulez-vous que devant une nation qui avait à ce moment-là tout de même 25 millions d'habitants, la France, 15 000 émigrés, malgré toutes leurs moulinets, puissent être dangereux? Mais ils eussent été dangereux s'ils avaient derrière eux la puissance autrichienne. Or, si la reine, Marie-Antoinette, suppliait en effet son frère, l'Autrichien, de nous attaquer, elle lui écrivait exactement ceci, le plus grand service que vous pourriez nous rendre, c'est de nous tomber immédiatement sur le corps. Vous entendez, c'était la reine Marie-Antoinette qui disait à l'Autriche, le plus grand service que pourriez nous rendre, nous, la cour, quoi, serait de nous tomber immédiatement sur le corps. Les Autrichiens, ni les Prussiens, ne voulaient s'engager dans des aventures du côté de la France. Pourquoi? Parce que leur regard n'était pas tourné vers l'Ouest, il était tourné vers l'Est, parce qu'il y avait une histoire Pologne qui les intéressait capitalement. Vous savez bien que la pauvre Pologne était un gâteau qui était dévoré par la Prusse, par l'Autriche et par la Russie. Il en restait encore un assez joli petit morceau. Et les Autrichiens et les Prussiens regardaient avec inquiétude du côté de Catherine II, qui avait les dents très longues, et on se disait, si on la surveille pas, elle va tout manger. Parce que c'est quand ils ne voulaient pas s'engager dans une affaire militaire du côté de la France tant qu'on n'aurait pas réglé l'affaire de la Pologne. Si bien que les supplications qu'adressait la reine Marie-Antoinette pour que la guerre éclata vite étaient repoussées, courtoisement, c'est entendu, mais définitivement repoussées, plus tard, quand l'affaire de Pologne sera réglée. Donc, il n'y avait pas d'urgence de se défendre, puisque nous n'étions pas menacés. Alors, Michelet, lui, a une autre interprétation, lyrique, à sa façon, et dit, si la Révolution française a fait la guerre à l'Europe, que voulez-vous? Il avait deux images complémentaires, du reste. C'est l'océan révolutionnaire qui déborde, ou encore, si vous voulez, c'est le volcan révolutionnaire qui va lancer à travers toute l'Europe ses flammèches. Et comme c'est un passionné des Girondins, M. Michelet, il dit les Girondins, c'était des gens généreux, qui avaient la passion de la liberté. Alors ils avaient apporté la liberté à la France, mais ils ne voulaient pas permettre que la France seule bénéficiât de la liberté. Alors ils voulaient répandre la liberté à travers l'Europe. Soyons sérieux. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça, et comme d'habitude, c'est une question financière. Tout à l'heure, je vous avais expliqué que le drame... Je vais être un petit peu long, hein, enfin... Bon, alors le drame était un drame financier en 1889, et comment est-ce qu'on avait conjuré la banqueroute? Ben vous le savez bien, on avait capté les biens du clergé. Ça ne me gêne pas du tout. Ils avaient 3,5 milliards de biens, c'est beaucoup trop cher pour un clergé chrétien. Alors on avait décidé que les 3,5 milliards étaient nationalisés et que ça appartiendrait à la France. Comme ça, la bourgeoisie n'avait pas à payer, on prenait les biens des curés, c'était excellent, enfin on s'en tirait. Comme on ne pouvait pas jeter immédiatement sur le marché 3,5 milliards de biens, on avait fait des assignats. L'assignat, c'est la première fois que la France connaissait de la monnaie de papier. C'était des bouts de papier, 50 francs, 100 francs, qui représentaient, qui étaient gagés, quoi, par les terres et les biens ecclésiastiques. Ça s'était fait sous l'inspiration de Talleyrand, du reste. C'était très mal de la part de Talleyrand, puis c'était un curé. Bon, enfin, ça s'était fait en automne 89, et nous sommes maintenant en automne 91. Et bien, depuis l'automne 89 jusqu'à l'automne 91, je vous assure qu'on avait fait marcher la planche aux assignats, hein. Et il y avait 2 milliards d'assignats en circulation lorsque l'Assemblée législative se présente, se réunit. 2 milliards. Et si on continue à faire tourner au même rythme la planche aux assignats, le gage qui s'est déjà amenuisé va disparaître. L'assignat commence déjà à faiblir. C'est-à-dire que si vous arrivez à la banque avec un assignat de 100 francs et que vous dites « donnez-moi 100 francs d'or », non, on vous donnait 75 francs. L'assignat avait déjà perdu 27%. Alors, ça me préoccupe beaucoup, les Girondins, de cette situation. Enfin, qu'est-ce qui va nous arriver? Comment est-ce qu'on va faire? Je pourrais vous dire, dans une parenthèse, que les Girondins et bien d'autres s'y étaient admirablement retrouvés dans la vente des biens nationaux. Il suffisait d'avoir quelques accointances avec ceux qui étaient chargés de vendre les biens nationaux pour obtenir à vil prix des terres considérables. Des quantités de notables déjà installés, vous savez, étaient devenus encore plus notables parce qu'ils achetaient des châteaux ecclésiastiques. Bon, fini. Alors, comme il faut trouver de l'argent, qu'il n'y a plus rien à prendre du clergé puisqu'on l'a ratissé, que la bourgeoisie a fait la révolution pour ne pas payer les frais, où est-ce qu'on va trouver de l'argent? Ben, par bonheur, il y a des voisins riches. Ces voisins riches sont d'une part les Belges, d'autre part les Rhénans. Les provinces rhénanes et les provinces belges regorgent de richesses. Il y a l'opulence, là. Alors on va décider qu'on va faire tout simplement une guerre de razzia. Naturellement, on ne va pas employer un mot aussi indécent. On va expliquer qu'il y a toutes sortes de raisons politiques et morales qui font qu'il faut se jeter contre l'Autriche, cette Autriche réactionnaire. Mais en fait, mais la vérité, c'est que la guerre des Girondins, celle qu'ils vont déclarer le 20... juin 92 est une guerre de rapine. C'est la première de ces guerres de rapine où la France, hélas, se spécialisera avec un nommé Bonaparte. Bonaparte va faire perpétuellement des guerres de rapine, des guerres de pillage, mais Bonaparte ne fera que suivre ce que lui ont indiqué les Girondins. Il ne suffit pas que j'annonce des choses aussi violentes sans les justifier. Alors je vais vous donner deux citations absolument irréfutables et décisives. Première citation, c'est Narbonne. Narbonne, c'est le nouveau ministre de la guerre. Narbonne, c'était l'amant numéro X de Madame de Staël, et Madame de Staël avait jugé bon de le faire arriver comme ministre de la guerre parce que ça lui paraissait plus agréable de faire l'amour avec un ministre. Alors il est ministre, et le 14 octobre 91, à la tribune de l'Assemblée législative, Narbonne, mesurant mal probablement ses paroles, dit « Il faut faire la guerre, écoutez bien la suite, le sort des créanciers de l'État en dépend. » C'est clair, hein, ça veut dire « Si on ne fait pas la guerre, banqueroute. » Et le 29 décembre 91, Brissot, le Girondin Brissot, va aller encore plus loin. Et il va dire exactement ceci, « La guerre est indispensable à nos finances et à la tranquillité nationale. » Ça, vous verrez tout à l'heure, mais retenez dans vos esprits, hein, « Indispensable à nos finances et à la tranquillité nationale, intérieure, et à la tranquillité intérieure. » Il y a quelqu'un qui n'était pas d'accord, c'est toujours ce petit ennuyeux, enfin qui empêche de danser en rond, c'est Robespierre. Robespierre, il n'est plus député, il a donc une seule tribune, c'est les Jacobins, et il va faire, pendant 2 mois, un effort pathétique pour empêcher la France de faire la guerre. Il a 5, je crois, arguments, que je vais vous dire un par un. Premier argument, si vous déclenchez vous-même la guerre, si vous prenez l'initiative d'une guerre, vous vous reniez. Pourquoi renier? Parce que le 20 mai 91, Robespierre avait obtenu de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée constituante, une déclaration solennelle. Déclaration solennelle votée à l'unanimité était la suivante. Le peuple français déclare solennellement qu'il ne fera jamais de guerre d'agression. Monsieur Gaxot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de l'Académie française, Monsieur Gaxot, parlant de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la proposition de Robespierre du 20 mai 91, éclate de rire en disant c'est de l'humanitarisme sentimental. Voulez-vous, avec moi, réfléchir une petite seconde sur ce qui se fût passé si mon pays, et je ne suis pas particulièrement chauvin, mais à ce moment-là, la France était de même la plus grande nation de l'Europe, la plus peuplée, 26 millions d'habitants, c'était la nation la plus illustre, la nation des Lumières. Ce qui serait passé si mon pays avait pris au sérieux cet engagement-là? Si la France avait dit « je ne ferai plus jamais de guerre d'agression ». Ne croyez pas que ça aurait été tout de même un pas de plus vers la substitution d'un ordre international à cette jungle que nous continuons à connaître. Fermons ma parenthèse. Mais toujours est-il qu'à l'unanimité, la France avait décidé on ne fera pas de guerre d'agression. Alors Robespierre dit, si vous déclarez la guerre à l'Autriche, si vous prenez l'initiative d'une guerre, c'est un reniement que vous faites. Deuxièmement, répondant aux Girondins qui passent leur temps à dire, mais il faut aller répandre les idées révolutionnaires à travers le monde. Robespierre a une formule que pour ma part je trouve admirable, il leur dit, mais certainement, il faut envoyer des missionnaires à travers le monde pour répandre nos idées. Mais pas des missionnaires armés, parce que personne n'aime les missionnaires armés, disait-il. Si vous chargez de répandre les idées de liberté, des soldats, ils font ce qu'ils font partout. Ils vont tuer, ils vont voler, ils vont violer. Parce que c'est quand les soldats, au lieu d'être des messagers de la liberté, vont retourner les peuples contre nous. Alors surtout ne faites pas ça. Troisièmement, disait Robespierre, avec quoi voulez-vous faire la guerre? On ne fait la guerre qu'avec une armée encadrée. Il n'y a plus de cadre. Tout à l'heure, je vous indiquais que les émigrés, 15 000 environ, étaient des officiers. Je vous l'ai dit rapidement. Et ces officiers avaient quitté leur corps. Ils ne voulaient plus rester dans une France dont je vous ai dit qu'elle était indécente. Je vais vous apporter un chiffre que je ne connaissais pas avant d'avoir écrit mon livre abominable sur Napoléon. Bonaparte était au 4e régiment d'artillerie. Et j'ai vu dans la correspondance de Bonaparte qu'au début de l'année 91, dans son 4e régiment d'artillerie, il y avait encore 80 officiers. Je ne sais pas si le chiffre était complet, si les officiers étaient au complet avec 80. Mais au bout de 8 mois, à la fin de l'année 91, il y en avait 14. Il restait 14 officiers sur 80. Ben, ce qui se passait au 4e régiment d'artillerie devait se passer à peu près dans tous les régiments français. La plupart des officiers avaient déserté, ils étaient passés à l'émigration. Alors Robespierre disait avec exactitude, enfin, comment voulez-vous vous lancer dans une guerre où il n'y aura pas de cadre? Et il ajoutait... Les armées françaises, tout le monde le savait, c'est officiel, sont divisées en trois grands corps d'armée. Il y a un corps Lafayette, bien sûr, il y a un corps Rochambeau, qui était un ami de Lafayette, qui avait aussi combattu aux États-Unis, puis il y a un corps Luckner. Luckner, c'était un vieux reître allemand au service de la France. Et Robespierre disait, si on fait la guerre, nous allons à un désastre, mais si par hasard, nous remportons une victoire. Et si c'est Lafayette qui remporte une victoire avec ses soldats, rappelez-vous ce qu'a fait Lafayette le 17 juillet 91, quand il a fait tirer sur le peuple. Je me demande si monsieur de Lafayette, ayant obtenu un succès militaire, ne fera pas de ses soldats des prétoriens et ne marchera pas sur Paris pour y imposer un régime de dictature militaire. Et, disait Robespierre, et je ne le désavouerai pas, il n'y a rien de pire que la dictature militaire. Troisième remarque. Hein. Quatrième remarque, c'est une guerre de diversion que vous voulez faire, disait-il aux Girondins. Diversion pourquoi ? Eh bien, c'est là qu'il y a un instant, je vous demandais de garder en mémoire ce qu'avait dit Brissot. Brissot avait dit le 29 décembre 1991, la guerre est indispensable à nos fils et à la tranquillité intérieure. Parce que la tranquillité intérieure avait été complète en 89. À partir du août 89, il y a eu les brûlades de châteaux en juillet, mais il n'y avait plus rien. Depuis le milieu de l'été 89, ça allait très bien. Parce que le prix du pain était tombé. 90, ça va encore. Mais voilà que la récolte de 90, peut-être, a été insuffisante, je n'en sais rien, ou peut-être des accaparements, comme l'avait fait Necker autrefois, qui s'était enrichi en prenant tout le blé français, en le faisant disparaître et en le remettant sur le marché lorsque le prix avait monté. Le prix du blé remontait. Si bien que les Français, enfin, les malheureux Français, qui gagnaient toujours leurs 20 sols par jour, recommençaient à s'agiter. Et voilà qu'un mot se répandait dans les campagnes en particulier, un mot que vous avez bien oublié aujourd'hui, et je vous le dirai comme le prononçaient les gens d'alors, et on ne le prononce plus comme ça aujourd'hui, c'était le mot de maximum. Ce mot de maximum va prendre un grand prestige pour la plèbe française des Italiens, ça veut dire quoi ? Des tas de petites gens disaient, il faudrait que les pouvoirs publics, pouvoirs municipaux, pouvoirs départementaux, pouvoirs nationaux, établissent un maximum du prix des denrées de première nécessité, et du pain en particulier. Nous demandons à l'autorité municipale, départementale ou nationale de dire le pain ne se vendra jamais plus cher que cela. Il se vendra tant et pas plus. Sans ça, nous sommes malheureux. Pensez que les Girondins avaient accepté ça avec horreur. Les Girondins sont des gens de liberté. Et la première liberté, ils l'ont dit assez souvent, la première liberté, c'est la liberté économique. La liberté économique, ça veut dire qu'il ne faut pas que l'État intervienne dans des questions de prix, des questions de denrées. Lamartine, encore, qui n'est pas un démagogue, va écrire dans l'histoire des Girondins, qu'est-ce que la liberté économique ? C'est le droit pour le commerçant de s'enrichir sans mesure, et c'est le droit pour les pauvres de mourir de faim. C'est du Lamartine. Alors, Roland, le vieux Roland, vous savez, le fameux vieux Roland qui était ministre de l'Intérieur, va faire la déclaration que voici à la tribune de la législative, et ça vaut la peine d'être entendu, tout ce que l'État doit faire en matière économique est de déclarer qu'il n'interviendra jamais, car ce n'est pas de son domaine. Ça veut dire que les Girondins interdisent à l'État de s'occuper des marges bénéficiaires. Et voilà que le 3 mars 92, va se produire un drame. Ce drame se produit à Étampes, c'est-à-dire Seine-et-Oise. C'est plus Seine-et-Oise aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. La ville de Seine-et-Oise était dirigée par un maire qui était un industriel, un petit tanneur qui s'appelait Simoneau. Les journaliers, au nombre de plusieurs milliers, avaient afflué sur la ville, sur Étampes, le 3 mars, et poussaient ce fameux cri « Maximum, maximum !» Simoneau, qui est du bon parti, leur répond « Il n'en est pas question. Jamais je n'accepterai d'intervenir dans des questions de prix. » Alors ces gens qui sont affamés le prennent très mal, et comme Simoneau menaçait d'appeler la garde nationale, c'est-à-dire de faire tirer sur la foule, ces gens se conduisent mal, horriblement mal, se jettent sur Simoneau et le tuent. Voilà un maire qui est tué par ses administrés parce qu'il a refusé le maximum. C'est un martyr de la liberté, disent les Girondins. Ça indique qu'il y a à travers la France des mouvements redoutables de petites gens qui ont faim et qui se conduisent mal. C'est pour ça que la tranquillité intérieure est menacée. Et Robespierre, qu'il sait très bien, dit « Je vous vois venir avec votre guerre. » Vous voulez orienter ailleurs les esprits. C'est une méthode extrêmement usuelle lorsqu'il y a des difficultés intérieures dans un pays que de lancer ce pays dans une aventure internationale, dans une aventure patriotique, parce que l'enthousiasme national fera que les questions sociales et économiques passeront au deuxième plan. Par conséquent, je m'oppose, pour une quatrième raison, disait-il, je m'oppose à cette volonté de guerre, car c'est pour éviter de traiter une question qui est capitale, qui est la nourriture des pauvres gens. Cinquièmement, disait Robespierre, vous Girondins qui passez votre temps, et vous avez raison, à dénoncer le parti autrichien à la cour, le parti de l'autrichienne, c'est-à-dire le parti de la reine de France. Et encore, ne savait-on pas ce qu'elle avait fait, on ne savait pas qu'elle demandait aux Autrichiens de nous attaquer. Vous ne vous rendez pas compte qu'en désirant la guerre, c'est le jeu du parti autrichien que vous faites. Et Robespierre lui-même ne savait pas à quel point il avait raison, car nous possédons maintenant une lettre du 14 décembre. Le 14 décembre, 16... Ah, tout à l'heure, je me suis trompé en vous disant 14 octobre. C'était le 14 décembre que Narbonne avait prononcé sa phrase. Car c'est le même 14 décembre que Louis XVI, écrivant à Breteuil. Vous rappelez, Breteuil, c'est le type qui est resté 48 heures au pouvoir dans ce ministère d'extrême droite que le roi avait composé le 12 juillet 89. Breteuil est maintenant émigré, il est à Bruxelles. Et le 14 décembre 91, le roi, lui écrivant une lettre secrète, lui dit « L'état physique et moral de l'armée française est tel qu'elle est incapable de soutenir même une demi-campagne, ça veut dire même une campagne de 6 mois. En 6 mois, elle sera nettoyée, l'armée française, telle qu'elle est. » Alors, la conclusion du roi, c'était ben, « Il faut vite que l'armée s'engage, parce qu'elle va se faire écraser et que nous pourrons rétablir la situation de 89. » Robespierre a donc parfaitement raison de dire que la cour souhaite la guerre. Et bien le 20 avril 92, les Girondins obtiennent du roi que cette guerre soit déclarée à l'Autriche. Le résultat était exactement prévisible, et dès le 25, désastre. L'armée Luckner s'était avancée sur Tournai, donc en Belgique. 2 régiments de dragons, dont les officiers étaient restés là parce qu'ils s'étaient dit, après tout, ce sera peut-être plus utile en conservant nos hommes sous la main qu'en émigrant. 2 régiments de dragons passent immédiatement à l'ennemi, rallient les forces autrichiennes. Luckner est obligé de partir en retraite précipitamment. Et sans doute, pour laisser un bon souvenir à ces populations auxquelles on apportait la liberté, Luckner va ordonner de mettre le feu au faubourg de Tournai. Toujours est-il que c'est un désastre et que le front, le mot n'existait pas encore, est crevé à ce moment-là. Joie folle du côté de la cour. La reine s'est dit « ça y est, nos amis autrichiens, enfin mes frères autrichiens, vont fondre sur Paris ». Mais je vous ai expliqué tout à l'heure que les autrichiens ne veulent justement pas s'engager dans les affaires militaires avec la France tant que l'affaire polonaise ne sera pas réglée. Si bien qu'avec désespoir, le roi et la reine voient que les autrichiens ne profitent pas de cette grande victoire qu'ils ont remportée sur Luckner. Alors, comme il faut bien faire quelque chose et qu'on ne veut pas encore envoyer de soldats, quoiqu'il y ait un corps expéditionnaire prussien maintenant avec Brunswick, le maréchal de Brunswick qui est à la tête du corps expéditionnaire prussien, on va remplacer l'intervention militaire postérieure, on verra plus tard, par un manifeste. C'est ce que vous avez tous lu dans vos bouquins d'histoire, le manifeste de Brunswick. On l'appelle le manifeste de Brunswick et je ne suis pas entièrement sûr que ce soit Brunswick qui l'ait rédigé. C'est un Genevois qui, paraît-il, aurait rédigé l'essentiel du texte. Il s'appelait Mallet Dupont. Et ce Mallet Dupont était au service des princes. Les princes, c'était le futur Louis XVIII, le futur Charles X, qui était passé du côté de l'adversaire, comme vous savez. Toujours est-il que, quel que soit le rédacteur du manifeste de Brunswick, c'est une déclaration que Brunswick a la tête, au nom des armées prussiennes et autrichiennes, au nom des armées austro-prussiennes, une déclaration que cet envahisseur éventuel fait aux Parisiens. Et cette déclaration est ainsi rédigée. Si la moindre atteinte est porté à la dignité du roi et de la famille impériale, Paris sera livré à une entière subversion. L'idée de la cour et l'idée des Autrichiens et des Autrichiens, c'est de terrifier les Parisiens. En disant, tant que nous ne serons pas en mesure d'intervenir, il faut les faire rester tranquilles, et on va les menacer d'une chose épouvantable, subversion totale, c'est-à-dire si nous arrivons dans un Paris révolutionnaire, ben nous raserons Paris, enfin nous le livrerons à une mise à sac de nos soldats. L'effet produit sera exactement le contraire de l'effet espéré. Les Austro-Prussiens et la cour pensaient que les Parisiens se courberaient épouvantés, ils prennent ça très mal. Et la riposte au manifeste de Brunswick sera le 10 août 92. C'est que le 10 août 92 va se constituer brusquement une commune, c'est le mot, une commune insurrectionnelle à Paris, avec Marat, avec Robespierre, avec Danton, enfin avec tous les gens dits de l'extrême-gauche. Cette commune insurrectionnelle demande la déchéance du roi, attaque avec une foule toujours disponible le palais des Tuileries. Les Suisses, la garde suisse se fait hacher avec un très grand courage. Toujours est-il que le roi est obligé de se sauver, il se réfugie à l'Assemblée législative et ça va être la déchéance du roi et ça va être immédiatement la déclaration que c'est fini de la monarchie et que maintenant la France s'appellera République avec un suffrage universel. Plus de distinction entre riches et pauvres, tout le monde citoyen, plus de citoyens passifs. Voyez-vous, quand on dit la Révolution française, on confond 2 choses parfaitement différentes. Il y a eu 2 révolutions. Il y a cette première qu'on pourrait appeler une réforme, qui va de 89 à 91. Une réforme où toute la structure sociale est maintenue, et où le roi est encore maintenu. Et à partir du 10 août 92, ça c'est la révolution avec un R majuscule, parce qu'à ce moment-là, c'est tous les Français qui se sont conviés à s'occuper de leurs affaires à eux. Madame de Staël, qui est le contraire d'une imbécile, Madame de Staël, dans ses considérations sur la Révolution française, publiées après sa mort, 1816, a écrit une phrase extrêmement remarquable et que voici. « Dès lors, la Révolution changea d'objet, Dès lors, la révolution changea d'objet. Point. Les gens de la classe ouvrière s'imaginèrent que le joug de la disparité des fortunes allait cesser de peser sur eux. Et Chateaubriand, avec ce sens du style qui est le sien, va écrire à propos du 10 août 92 dans ses mémoires d'outre-tombe « Les sabots frappaient à la porte des gens à souliers. » Alors qu'est-ce qui va se passer? La France va être obligée de refaire une nouvelle assemblée puisque ça n'est plus la monarchie, puisque c'est la République et qu'il faut faire une constitution républicaine. C'est la deuxième constituante. Mais on n'ose pas faire une assemblée qui s'appellera constituante numéro 2, enfin ça paraît une ressuscée. C'est que pour Vatican I ou Vatican II, quand on emploie cette expression, alors on va chercher autre chose. Et comme l'américanisme est à la mode à ce moment-là, à cause de Lafayette et de Rochambeau, on va prendre un mot anglais, convention. Alors les Français vont dire convention, convention, sans savoir ce qu'ils disent, ce qui veut dire simplement assemblée, réunion, et on va faire des élections générales, suffrage universel pour la convention, comme on va dire. C'est en effet la première fois que la France va voter au suffrage universel. Mais qu'est-ce que peut bien être le suffrage universel dans une France en immense majorité paysanne et avec des analphabètes à 75%, ni lire ni écrire. Si bien qu'on assistera à un spectacle navrant, une abstention énorme à ces élections pour l'Assemblée nouvelle, pour la constituante nouvelle, c'est-à-dire pour la Convention. Et alors que pour la première fois, les toutes petites gens, les prolétaires, les pauvres, les démunis, sont capables d'envoyer des délégués, savez-vous que sur les 750 membres de la Convention, 748 seront des notables et qu'il y aura deux représentants des petites gens. La cariatide, comme disait Victor Hugo. Et bien, la cariatide, elle aura deux représentants. Armonville, qui est un quart d'heure de l'Aisne à Reims, et Noël Pointe, qui est un ouvrier qui travaille à la fabrication à la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Armonville et Noël Pointe sont les deux seuls ouvriers, les deux seuls prolétaires qui représentent 90% des Français. Et tous les autres, comme cette fois, il n'y a plus d'inéligibilité, comme les membres de la législative et les membres de la constituante peuvent se représenter, on va voir apparaître toute la bande avec les Sieyès, les Boissy d'Anglas, tous les autres. Pas Mirabeau. Mirabeau, il est mort malheureusement le 2 avril 91, il est mort entre deux putains, mais enfin, on meurt comme on peut. Mais en fait, tous les autres sont là. Et ils sont là, décidés à se battre avec les Girondins qui sont de nouveau au premier plan. La première question qui va se poser est celle du roi. Qu'est-ce qu'on va faire du roi? C'est là où la Convention va se décider à un acte que l'on peut critiquer, qui est la peine de mort pour le roi. Cette décision est prise par la majorité de la Convention dans une intention non pas sauvage, je ne crois pas, par un goût du sang, mais pour établir une coupure fondamentale dans l'histoire de France. Il y avait autour de la monarchie une espèce de mythe sacré, le roi était un personnage sacré, il doit faire tomber la tête du roi. Ça sera définitivement une page tournée, si vous voulez. Et puis le premier problème qui va se poser maintenant, puisque la Constitution a été votée, c'est Robespierre qui va poser le problème. Problème de la propriété, avec un P majuscule. J'en reviens encore à ce monsieur Exode, parce qu'il n'y a pas très longtemps que j'ai relu son histoire de la Révolution française, et vraiment, c'est un livre divertissant. Alors, monsieur Exode écrit « La terreur communiste ». Vous entendez bien ?« La terreur communiste », il va commencer avec Robespierre. Je ne suis pas communiste, mais je sais ce que c'est que le communisme. Collectivisme, ça veut dire que c'est la collectivité, ou soi-disant, qui se saisit de toute la terre et qui se saisit des moyens de production. Jamais, vous m'entendez, jamais Robespierre n'aura été collectiviste. Si vous lisez le contrat social, et Robespierre était un fanatique du contrat social, vous apercevez que Rousseau désirait un partage de la propriété tel que chacun ait sa petite maison et son petit lopin de terre, quelque chose d'un peu idyllique, d'un peu patriarcal, d'un peu naïf. Mais ça, c'était la pensée de Robespierre. Il voulait simplement une, attention, une limite de la propriété, une limite. Et voici l'argument de Robespierre. Il avait voté, comme tout le monde, la Déclaration des droits de l'homme, quoi qu'il y avait un mot, un adjectif, la Déclaration des droits de l'homme qui l'avait bien gêné. La Déclaration des droits de l'homme avait été votée par une chambre en immense majorité voltairienne, à la fois au sens religieux et au sens politique. Et ces voltairiens sont des gens positifs, réalistes, vous savez, qui savent ce qui compte et ce qui ne compte pas. Alors, les gens qui avaient voté la Déclaration des droits de l'homme avaient eu soin de dire à propos de la propriété est inviolable, soit, et sacrée. C'est la première fois qu'on voyait la propriété qui devenait sacrée. Mais je viens de vous le dire, les constituants étaient des gens solides et raisonnables, et pour la première fois, ils employaient un vocabulaire religieux où ça n'avait rien à voir, pour passer aux réalités positives, c'était donc la propriété maintenant qui devenait sacrée. Le Robespierre disait, alors la propriété est sacrée, voulez-vous réfléchir, dit-il, c'est dans un discours qu'il prononce à la Convention, voulez-vous réfléchir, puisque vous n'avez pas voulu abolir l'esclavage, si vous demandez à un négrier, un type qui fait venir de la Côte d'Ivoire ou du Bénin, Des Noirs qui va vendre aux Antilles, voulez-vous lui demander ce que c'est que sa propriété? Eh bien, disait Robespierre, cet homme, en toute candeur, va vous montrer ce navire. Non, je me trompe, disait Robespierre, ce tombeau flottant, où se trouvent des hommes, des femmes et des enfants à la peau noire, et il va vous dire en toute conscience, ceci est ma propriété sacrée. Vous savez bien que ce n'est pas vrai, disait Robespierre. Un homme, une femme, un enfant ne peut pas être la propriété d'un autre homme. Vous voyez bien qu'il y a une limite à la propriété. Et de même que la limite de la liberté, c'est la liberté d'autrui, de même la propriété a des limites qui sont la vie ou la dignité d'autrui. Je demande donc qu'à l'intérieur même de la Constitution nouvelle, dans les articles de la Constitution, de fermes limites soient marquées au droit de propriété. Non plus le droit ancien, le droit romain, outil est abouti, le droit d'user et d'abuser de sa propriété, qu'il ne soit plus permis d'en abuser. Ça, c'était criminel. Criminel pour les Girondins de demander une limitation du droit de propriété. Alors on voit immédiatement Barrère, qui jonglait facilement avec le mot peine de mort, et Barrère fait immédiatement voter par le ventre, qu'on appelait aussi le marais. Vous savez, le ventre, le marais, c'était l'Assemblée, c'était la majorité de l'Assemblée, la montagne n'était qu'une petite partie de l'Assemblée. Barrère fait immédiatement voter ceci, peine de mort, vous m'entendez, peine de mort, contre quiconque proposera un article attentatoire à la propriété individuelle ou commerciale. Ça, il n'y a pas oublié, à la propriété individuelle ou commerciale. Et puis, comme Robespierre continue son effort aux Girondins, aux Jacobins, il va y avoir au début de mai 93, il va y avoir une véritable préparation, conjuration chez les Girondins pour un coup de force. Reportons-nous encore à Lamartine. Et vraiment, j'en ai parlé à des historiens sérieux et compétents, Lamartine n'est pas négligeable, car c'est lui et lui seul qui nous a apporté un détail. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, il avait commencé en 43, en 1843, et en 1843, il y avait encore des gens qui avaient connu la terreur, hein, c'était pas tellement, tellement loin. Et c'est Lamartine qui dit, j'ai pu avoir une conversation avec une femme, mais il ne dit pas le nom, il aurait bien dû dire, qui était la femme du banquier des Girondins à Paris. Et Madame X m'a dit qu'au début de mai 93, il y avait eu dans son salon une réunion des Girondins où Sieyès, le Sieyès de la Constituante, avait pris la parole. Et il avait été entendu qu'on allait faire venir 20 000 hommes de province, des jeunes gens, des volontaires, puissamment armés, et ayant chacun 1000 livres, une assez belle somme. Ces 20 000 hommes se tiendraient autour de Paris, attendraient le jour J et leur H, comme nous dirions aujourd'hui, pour fondre sur Paris, pour foudroyer les faubourgs et pour assassiner Robespierre. Les Girondins n'ont pas osé faire le mouvement qui avait été préparé, mais alors, du moins, ils vont prononcer des paroles que je connais. Le 8 mai 93, à la tribune de la Convention, Vergniaud va s'adresser, à travers la distance, à ses mandants. Généreux habitants de la Gironde, dit-il, il n'y a plus un instant à perdre. La propriété est menacée et il faut intervenir sous peine de voir se dissoudre tout le corps social. Cambon, qui est l'industriel que vous savez de Montpellier, va s'adresser lui aux généreuses populations du Midi et il leur dira la même chose. Tenez-vous prêts à marcher sur Paris. Pétion, qui avait autrefois à l'Assemblée constituante soutenu parfois Robespierre et qui était passé de l'autre côté, Pétion va faire circuler dans Paris un appel aux propriétaires parisiens où il demande à ses propriétaires parisiens de se réunir pour lutter contre les anarchistes groupés derrière Robespierre. Et enfin, le 25 mai 93, ce parfumeur dont je vous ai parlé en vous demandant, rappelez-vous son nom, Isnard. Le 25 mai, Isnard va prononcer à la tribune de la Convention des paroles inouïes. Il va faire son petit Brunswick. Vous vous rappelez que Brunswick avait dit « Paris sera livré une entière subversion si jamais une atteinte est portée à la famille royale ». Cette fois, il ne s'agit plus de la famille royale, il s'agit de la propriété. Et le 25 mai 93, Isnard dit « Si la moindre atteinte est portée à la propriété dans Paris, nous demanderons à la province d'intervenir militairement. Paris sera rasé !» Vous entendez? Et comme il avait le sens du pittoresque, Isnard dit à la tribune « Et dans quelques années, le voyageur des bords de la Seine s'étonnera et se demandera si jamais une ville a existé là. » Alors il y avait le Prussien qui disait « Paris sera livré une entière subversion », il y avait le Français Isnard, le parfumeur, qui disait « Paris sera rasé si jamais on touche à la propriété, ou si on fait une limite à la propriété ». Alors ce jour-là, Robespierre, calmement du reste, chez les Jacobins, dit « c'est bien clair, la question est maintenant entre les culottes dorées et les sans-culottes, j'appelle le peuple à l'insurrection ». Alors ça sera la double insurrection des 31 mai et 2 juin, contre la Convention, où Henriot, qui est chef de la garde nationale, qui est maintenant une garde plébéienne, Henriot va mettre ses canons tout autour de la Convention. Il n'y a rien dans les canons, il n'y a pas de gargousses. Mais enfin, ils sont là, ils sont tout de même intimidants. Et on va décider que 32 membres de l'Assemblée conventionnelle vont être, non pas liquidés physiquement, vont être exclus. Je dis non pas liquidé physiquement, parce qu'il y avait des buveurs de sang, et en particulier Hébert. Hébert était le procureur de la commune. Hébert était un homme affreux. Je vous dirai quelque chose sur lui tout à l'heure. Hébert détestait du reste Robespierre. Hébert demandait que les 32 Girondins fussent exécutés. Et c'est Robespierre qui va dire « Je m'y oppose absolument pas, une goutte de sang ne doit être répandue, et même je demande que ces 32 exclus ne soient pas incarcérés, qu'ils soient simplement chassés de l'Assemblée conventionnelle, la Convention, et qu'ils soient assignés à résidence chez eux. Je leur demanderai de faire un serment, de donner leur parole qu'ils ne quitteront pas Paris. Pour les aider à tenir parole, on mettra un gendarme devant leur maison, mais autrement, pas un cheveu de leur tête ne tombera. » Robespierre se fait écouter, et 32 députés sont exclus. Michelet entre de nouveau en transe, cette fois pour la colère et l'indignation, et Michelet dit « Les 31 mai et 2 juin sont les jours affreux de la Révolution française, les jours où elle s'est déshonorée. C'était un attentat à la légalité. » Il a parfaitement raison. Réfléchissez un peu à ceci, cette convention a été mal élue, bien sûr, mais enfin, elle a été élue. Si les gens n'ont pas voté, ils auraient pu voter. Il se trouve qu'elle est mal composée, mais elle est tout de même la représentation nationale. Et c'est une partie, une petite partie de la plèbe parisienne, groupée derrière les canons de M. Henriot, qui va faire un attentat contre la représentation nationale et qui va dire « Nous, peuple de Paris, nous exigeons que 32 députés ne soient plus députés. » C'est en effet légalement inadmissible. Mais Lamartine avait déjà d'avance répondu à Michelet. Il avait dit « Il y a des cas de force majeure, il y a des cas de vie et de mort, de vie ou de mort. » Où il y a une chose qui est plus importante que la légalité, c'est la légitimité nationale. Et à ce moment-là, pour la France, c'était une question de vie ou de mort. Car nous sommes le 3 juin 1793, et la situation intérieure et extérieure de la France est terrible. Les Austro-Prussiens avaient décidé d'attaquer. Cette fois, ils avaient réglé leur question polonaise. Et le 1er mars 1793, ils avaient foncé. Ils avaient foncé et ils avaient enfoncé nos troupes. Et Dumouriez avait été vaincu le 18 mars à Neerwinden. Dumouriez était le chef de l'armée française qui s'opposait aux Austro-Prussiens. Et Dumouriez va imiter, en le perfectionnant, le comportement de Lafayette. Peut-être vous rappelez-vous que Lafayette avait déjà déserté, non pas trahi, mais déserté, lui qui était chef de corps et au combat, le 19 août 92. C'est-à-dire que 9 jours après le 10 août, n'acceptant pas ce qui s'était produit à Paris, il avait décidé qu'il ne voulait plus combattre pour la France et il était passé à l'ennemi. Attention, il s'était rendu à l'ennemi. Tandis que le 4 avril 1993, Dumouriez va faire bien pire. Dumouriez va effectuer une trahison totale, complète, puisque ce 4 avril, le chef des forces françaises va passer du côté des Autrichiens en disant « Je vous propose mon épée contre la France. » Et les Autrichiens sont en train de s'avancer dans la direction de Paris. Parallèlement, et au même moment, ça a été bien conjugué, tout l'ouest de la France a pris feu. C'est ce qu'on appelle l'insurrection vendéenne, et c'est une expression impropre, car Vendée, vous savez bien où ça se trouve, tandis que c'est toute la Bretagne, avec la Vendée, et c'est aussi une partie de la Normandie qui est en feu. J'ai vécu encore là-dessus sur des illusions pendant très longtemps. Et on vous apprend encore facilement aujourd'hui que c'est une insurrection d'ordre religieuse qui se serait produite en Bretagne. La persécution religieuse de la Convention aurait été telle que ces populations extrêmement pieuses, dévotes et catholiques de l'ouest de la France n'avaient pas accepté et s'étaient indignés. Et il est vrai que les armées qu'ils vont constituer s'appellera l'armée. L'armée catholique et royale. L'armée catholique et royale. C'est encore une duperie. Il faut que je vous explique exactement ce qui s'est passé. Il y avait eu persécution religieuse, c'est parfaitement vrai. Et cette persécution avait commencé en 90. Elle avait été particulièrement violente en 92 quand les Girondins étaient au pouvoir. Et là, tout à l'heure, vous m'avez entendu dire, peut-être vous êtes scandalisé, que je n'ai pas trouvé du tout indécent que l'on prie les biens du clergé, mais je suis personnellement tout à fait hostile à ce qui s'était produit lorsque la constituante avait décidé une constitution civile du clergé. De quoi je me mêle? Ce sont des laïcs, et pour la plupart des incroyants, et qui décident qu'ils vont transformer la structure du catholicisme français. Si vous voulez transformer ces structures du catholicisme, il fallait peut-être qu'ils prennent langue avec les catholiques français pour leur demander ce qu'ils désiraient, et il eût été courtois peut-être s'adresser à celui qui commande les catholiques, c'est-à-dire le pape. Or, les constituants avaient décidé de leur propre chef et seul qu'ils allaient transformer le catholicisme français. Qu'est-ce qu'ils voulaient donc faire? N'oubliez pas que ce sont des voltairiens. Et on croit encore, je l'ai cru longtemps, que Voltaire était un ennemi des prêtres. Mais pas du tout. Vous ne savez pas à quel point Voltaire aimait les curés. Mais à condition que ce soient des curés bien pensants, je veux dire. Voltaire écrivait par exemple à un de ses amis la phrase que voici. Il est fort bon, écoutez bien, c'est très beau, hein, c'est du Voltaire. Il est fort bon de faire accroire aux gens qu'ils ont une âme immortelle et qu'il existe un dieu vengeur qui punira mes paysans s'ils veulent me voler mon blé. Par conséquent, Voltaire demandait qu'il y ait des quantités de curés, mais des curés convenables, des curés dont le premier rôle eût été d'apprendre la résignation aux démunis, hein, de dire si vous volez le bien d'autrui, vous irez en enfer. Et Voltaire désirait qu'il y ait un abondant clergé bien payé. Ben, c'est ce que vont faire les constituants. Car c'est vous qu'à ce moment-là, les curés étaient très mal payés, les évêques avaient beaucoup d'argent, mais la plupart des curés, ils avaient 600 francs par an. C'était, paraît-il, minable. Alors, les constituants vont décider qu'il y aura maintenant une église gallicane, quoi, une église catholique française, dont le clergé sera rétribué. Et pour qu'ils soient bien gentils, ces curés-là, on va leur monter leur traitement. Ils auront 1200 francs, hein, au lieu de 600, 1200. Mais à condition qu'ils fassent ce qu'on attend d'eux, hein. Ils sont bien obéissants, ils sont dans les mains du pouvoir, c'est une gendarmerie supplémentaire, ils sont là pour expliquer aux pauvres qu'ils doivent obéir aux riches. Cette constitution civile du clergé était, à mon sens, quelque chose d'inadmissible. Et le clergé français va se diviser en deux. 50% à peu près vont dire oui, parce qu'ils sont bien contents d'avoir 1200 balles, quoi. Et puis il y en a d'autres qui disent même avec les 1200 francs, on ne marche pas, ce n'est pas possible. Alors, persécution extrêmement violente contre ceux qu'on appelait les non-jureurs. Les jureurs, ça veut dire ceux qui juraient fidélité à la constitution civile du clergé, et puis les réfractaires ou les non-jureurs qui disaient non, en conscience, on ne peut pas. Et je viens de vous le dire, c'est particulièrement en 92, quand les Girondins sont au pouvoir, car les Girondins sont extrêmement anti-religieux, ils sont même athées dans l'ensemble, et athées persécuteurs, les Girondins vont faire une persécution religieuse violente, à partir de la Convention. Et grâce à Robespierre, et nous sommes maintenant en mars 93, la Convention s'est réunie depuis l'automne 92, nous sommes à un moment où il n'y a plus de persécution anti-religieuse. Parce que Robespierre va faire inscrire dans la Constitution les droits de la conscience sont libres, et chacun peut suivre, sans être inquiété, ses convictions philosophiques ou religieuses. Alors comment ça se fait que c'est au moment où il n'y a plus de persécution violente et anti-religieuse que tout à coup, cette Vendée et cette Bretagne se soulèvent, alors que quand la persécution a été la plus violente, ils n'ont pas bougé. Simplement parce qu'il s'était passé ceci, que la France est envahie, qu'on a déclaré que la patrie est en danger, qu'on va demander à tous les Français, à tous les jeunes Français valides de s'engager, qu'il va y avoir une conscription, et que l'ouest de la France va se trouver peuplé immédiatement d'objecteurs de conscience. Ça, on ne veut pas marcher, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce que c'est que ces histoires révolutionnaires? On n'y comprend rien. Ça se passe du côté de l'Est de la France, on ne sait même pas où c'est. Que les gens qui sont à Strasbourg ou ailleurs, soit autrichiens ou soit français, ne nous regardent pas. Nous, on ne marche pas. Nous, les paysans, on défend notre terre. Si les étrangers arrivent, on verra. Pour l'instant, on ne bouge pas. Et on va constituer une force de résistance contre ceux qui veulent nous ennuyer et qui veulent nous enrouler de force. Et vous voyez comme ça avait été bien combiné, puisqu'il y avait l'offensive véhémente des Austro-Russes d'un côté, des Austro-Allemands, Austro-Prussiens d'un côté, et brusquement le feu mis à l'ouest de la France. Alors on avait constitué, devant le drame qui se produisait, c'était le 4 avril, je vous l'ai dit, 93, que Dumouriez avait fait sa trahison, on a constitué un CSP, Comité de Salut Public. Et là encore, j'ai vécu sur des illusions. J'ai cru, et peut-être un certain nombre d'entre vous croit-il encore aujourd'hui, que le Comité de Salut Public a été une espèce de forme dictatoriale, qu'il y avait un groupe de 10 à 12 personnes qui, pour que la rapidité d'exécution fût plus grande, avaient reçu délégation de la Convention et dont les décrets étaient immédiatement exécutoires. Ce n'est pas vrai. Le Comité de Salut Public est perpétuellement contrôlé par la Convention, il est renouvelable de mois en mois, et aucun décret du Comité de Salut Public n'est exécutoire tant que la Convention ne l'a pas vérifié. Le Comité de Salut Public, c'est Danton qui en a eu l'idée. Je ne vous ai pas encore parlé de Danton, il faut qu'on regarde le personnage d'un peu près. Autant Robespierre est un esprit linéaire, peut-être avec des œillères. Robespierre est un homme qui a une doctrine. Sa doctrine, c'est le contrat social. Autant on ne peut pas reprocher ça à Danton. Danton n'a aucune doctrine. Aucune. Danton, c'est avant tout un arriviste. Nous avons maintenant beaucoup de renseignements sur lui. Il y a eu les mémoires d'Alexandre Lamette, qui était un conventionnel qui a survécu et qui a écrit sous la Restauration et qui dira, lorsque je parlais à M. Danton, il haussait les épaules devant leur république de Visigoth, disait-il en parlant des démocrates, leur république de Visigoth, ou encore disait-il leur sale démocratie, leur sale démocratie. Robespierre est un homme pauvre, Danton est un homme aisé. Son père, assez considérable, et Danton a beaucoup profité de la vente des biens ecclésiastiques. M. Albert Mathiez a travaillé dans ce qu'on appelle les petits papiers, on me reproche souvent moi aussi de me pencher sur les petits papiers, ou M. Pompidou me dit sur les poubelles, mais on fait de grandes découvertes, vous savez, dans les petits papiers. Et c'est M. Albert Mathiez qui a découvert qu'au cours de l'année 91, Danton, brusquement, avait fait des acquisitions remarquables. Il avait acheté un prieuré qui s'appelait le prieuré de Nuisement. Il avait acheté un autre prieuré qui s'appelait Saint-Jean-du-Désert. Il avait acheté une magnifique gentilhommière au centre d'Arcis-sur-Aube, là où il était né. Enfin, il était de plus en plus cossu et confortable. Il avait dû épouser une cafetière, enfin la fille d'un cafetier de Paris, qui avait également du bien et qui avait une belle propriété à Sèvres. Enfin, il est pas malheureux. Nous savons également depuis la publication de M. Mathiez que Danton est vendu. Tu dis expression qui a l'air de la polémique, alors il faut évidemment que je justifie. Hein. On a publié, maintenant c'est même photocopié, la lettre que le 10 mars 91, Mirabeau, il va mourir le 2 avril, encore vivant le 10 mars, hein. Le 10 mars 91, Mirabeau va écrire à Lamarque, L-A-M-A-R-C-K, qui est Lamarque. Lamarque est chargé par le roi de gérer sa liste civile, c'est qu'une liste civile, on lui donnait 25 millions, c'est pas mal. Mais... Alors avec ces 25 millions, le roi pouvait acheter des consciences et les plus hautes consciences payaient le plus cher. Hein. Alors, le 10 mars 91, Mirabeau, lui-même acheté depuis le mois d'octobre 89 par la cour, Mirabeau écrit à Lamarque, selon vos instructions, j'ai remis hier, donc 9 mars 91, la somme de 20 000 livres cash à M. Danton. Donc Danton est payé secrètement par la cour, par l'intermédiaire de Mirabeau et de Lamarque, le 9 mars 91. Danton est un intrigant. Je crois qu'on pourrait dire Danton aime la révolution parce que la révolution c'est de l'eau trouble et que l'eau trouble c'est bonne pêche. Et en particulier, on a vu ce qu'il avait fait au moment de Valmy. Là encore, il faudrait détruire, et c'est vilain de la part d'un Français, une légende sur Valmy. Vous savez, enfin, vous connaissez la fameuse histoire de Valmy. Il y a les Prussiens qui arrivent, il y a les Français qui sont là près du moulin de Valmy, les ailes tournent, c'est très pathétique. Et puis tout à coup, les Français mettent leur chapeau au bout de leurs épées, de leurs baïonnettes et crient « Vive la nation !» Alors les Prussiens sont tellement intimidés qu'ils foutent le camp. C'est une plaisanterie, c'est parce que ça n'est pas une pas passé comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est passé ceci de stupéfiant que la puissante armée de Brunswick n'a pas attaqué. Savez-vous que ça ne s'est pas passé? Ça n'a pas eu lieu, la bataille de Valmy. Il y a eu une canonnade, on s'est tiré dessus à distance, les boulets ne portaient pas. Et puis une fois qu'on a canonné un moment, les Allemands sont partis. Alors c'est ce qu'on a appelé la grande victoire de Valmy, obtenue par Danton qui n'avait cessé de dire de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Et au moment où Danton criait de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace, c'était le moment où il essayait d'obtenir le plus possible d'enrôlement de volontaires parisiens et de jeunes prolétaires parisiens pour les envoyer du côté de la frontière, alors que ce que nous savons aujourd'hui, il est en train de négocier en douce avec la Prusse et personnellement avec Brunswick. Et je crois qu'il avait acheté Brunswick pour que les Allemands, pour que les Prussiens tournent bride. Alors on comprend beaucoup mieux ce qui s'est passé à Valmy puisque Brunswick était déjà d'accord secrètement avec Danton pour qu'il n'y ait pas lieu à ce moment-là de combat. Ajoutons, c'est vrai, que l'armée prussienne était ravagée par la dysenterie et que leurs effectifs étaient dans un état pénible. Bon, mais enfin, ça n'aurait pas suffi pour que la guerre n'ait pas lieu. Alors vous voyez quel personnage est Danton. Eh bien, c'est Danton qui va demander la création du tribunal révolutionnaire. Voilà encore une chose que j'ai appris avec surprise. Dans mon ignorance d'autrefois, je croyais que tribunal révolutionnaire égale Robespierre. Pas du tout. C'est Danton qui va demander qu'un tribunal exceptionnel, qu'on appellera tribunal révolutionnaire, soit là pour faire passer en jugement à une justice expéditive tous les suspects. Danton le fait parce qu'il a été horriblement compromis dans cette histoire avec Dumouriez. Dumouriez vient de révéler qui il était en passant à l'ennemi brusquement, et tout le monde savait que Danton était extrêmement bien avec Dumouriez. Dumouriez était entré en Belgique, il y avait fait d'abominables pillages. Danton était tout enfourré en Belgique. En Belgique, il avait une grande amitié pour Dumouriez. Il lui était arrivé un jour un incident pénible. Danton, qui faisait des voyages allers-retours entre Paris et la Belgique, avait été arrêté par des douaniers trop zélés au passage de Béthune. Les douaniers avaient demandé ce qui suivait la calèche de M. Danton. C'était une voiture couverte. On avait regardé, il n'aurait pas dû faire ça, c'était M. Danton. On avait découvert des masses d'argenterie et de lingerie. Alors, il avait demandé, mais qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des biens nationaux, disait Danton. Ah ben, toujours est-il que Danton savait que maintenant que Dumouriez s'était révélé, sa situation était compromise. Alors, pour se démouiller, comme on dirait maintenant dans un langage français vulgaire, c'est lui qui avait pris l'initiative d'être un archi-gauchiste et un incendiaire en disant, il faut un tribunal révolutionnaire. Il était depuis le 6 avril 1993 à la tête du comité de la République. Entre le 6 avril et le 10 juillet, vous allez voir pourquoi 10 juillet, la situation devenait de plus en plus dangereuse. Robespierre avait exigé, vous le savez, qu'on ne touchât pas aux Girondins. Il avait demandé à ces Girondins de donner leur parole d'honneur qu'ils ne sortiraient pas de leur maison, mais la plupart des Girondins n'avaient pas tenu parole. Ils s'étaient arrangés avec le gendarme qui était en faction et ils s'étaient sauvés. Il y avait quelques-uns qui avaient tenu parole, des gens nobles, comme Vergniaud par exemple, et ça va lui valoir la guillotine. Mais Vergniaud aura la tête coupée parce qu'il a été fidèle à sa parole, parce qu'il avait promis de ne pas s'en aller. Tandis que sur les 32 députés girondins, 25, je crois, étaient partis. C'est allé en province. Et qu'est-ce qu'ils faisaient en province? Ils soulevaient les départements contre Paris. La France était dans un état de désordre inimaginable. Et sur les 90 départements français au mois de juin 93, 60, vous m'entendez, 60 départements étaient en insurrection contre Paris. La répression du côté de la Vendée et de la Bretagne allait très mal. Danton avait réquisitionné à 500 francs pièce, c'était quelque chose, des volontaires qui étaient particulièrement des truands. Et ces truands, au lieu de faire de la répression, se contentaient de faire des pillages en Vendée et en Bretagne. Ça allait donc très mal à tous égards pour la France. Le 18 juillet 1993, il va y avoir renouvellement mensuel du comité de salut public. Danton se dit, la situation est perdue. Vraisemblablement, la révolution va tomber, les Austro-Prussiens vont gagner, et lui, Danton, va essayer de s'esquiver. Il a trouvé son argument. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il avait épousé une cafetière, la pauvre petite cafetière était morte en février 1993, et Danton, qui n'était pas favorable à un long veuvage, s'était remarié dès le mois de juillet. Il avait épousé en juin 1993 une charmante fille, mais qui n'avait que 15 ans et demi. Alors, il avait 37 ans. Alors, il avait expliqué, vous savez, c'était un homme qui tutoyait tout le monde, Danton. Il était gros, il tapait sur le ventre des gens. Et il leur disait, écoutez, chers amis, hein, je suis au comité de salut public depuis le 6 avril. Il y a le renouvellement maintenant, du 10 juillet. Je viens de me marier, soyez un peu gentils, quoi. J'ai des choses à lui apprendre, il a 15 ans et demi. Alors, vous allez me donner une petite lune de miel. Hein. Alors, vous ne me renouvenez pas au comité de salut public. Vous me mettez en congé. C'était très habile de sa part. Et c'était très perfide, car il disait, il n'y a que quelqu'un qui peut me remplacer. C'est Robespierre. En réalité, il veut pousser Robespierre dans une situation dramatique, avec l'impression que Robespierre glissera sur les peaux de banane ou d'orange, que la situation met sous ses pas. Ce 10 juillet 1993, bon, amicalement, les députés disent « Danton, allez, amusez-vous avec vos petites femmes, c'est interdit, vous êtes en congé. Robespierre, venez. » Robespierre refuse de venir. Le 12 juin 1993, dans une des séances des Jacobins, Robespierre avait dit « Je crois que je vais me retirer. Je n'en peux plus. » Il y a un très bon livre sur Robespierre, il y en a beaucoup, mais je crois le meilleur est celui de Jean Massin. Jean Massin nous a appris quelque chose de très important qu'on ne pouvait que subodorer, mais qu'il a découvert et prouvé. Robespierre est un homme très malade, vraisemblablement un tuberculeux. Cet homme n'a pas de santé, cet homme est sur la brèche depuis 89, même depuis la fin de 88, si vous voulez. Il n'en peut plus, il sent qu'il va mourir, il a de temps en temps des gros accès de fièvre, et il avait dit le 12 juin, je crois que je vais être obligé de démissionner, de me retirer de toute vie politique active. Alors, le 10 juillet, quand Danton, qu'il voit bien venir, quand Danton lui dit, allez, entrez, la majorité de la convention, enfin, la majorité, les montagnards crient, Robespierre, il dit, non, je ne peux pas. Et il n'est pas fier d'avoir fait ça. Il a l'impression que, quelle que soit sa santé, il ne devrait pas se dérober. Et que, quelle que soit la difficulté de la tâche, mais étant donné les dangers de la France, il aurait dû marcher. Le 27 juillet, donc le même mois, le 27 juillet, quelqu'un a démissionné du comité de salut public, je ne me rappelle plus lequel. Donc il y a une vacance, donc il y a quelqu'un à renommer, il y a une place libre, et un homme que respectait Robespierre, qui s'appelait Bon Saint-André, qui était un pasteur protestant de Montpellier. Bon Saint-André se lève et se tourne vers Danton et lui dit, Danton, ta place est avec nous. Et ce 27 juillet 1993, Robespierre dit, bon, allons d'accord, j'entre au comité de salut public. Si vous voulez de fond ma pensée, je crois que Robespierre avait été jaloux de ce qui s'était passé le 13 juillet. Il avait refusé le 10 juillet, hein. Et le 13 juillet, Marat avait été assassiné par la petite cordée. Marat tombait, pour ainsi dire, en victime de la Révolution. Enfin, sa mort pouvait servir à quelque chose, puisque c'était un homme qui était tombé en combattant, qui était tombé sous le poignard d'une réactionnaire, comme on dirait aujourd'hui. Robespierre s'est dit, moi, je vais finir misérablement, je vais finir dans mon lit, parce que je suis malade, quoi. Tandis que si je prends le risque que je vais prendre en entrant au comité de salut public, et pour y faire ce que je veux y faire, il y a toutes les chances pour que je sois liquidé physiquement. Eh bien, mourir comme Marat, ça vaut la peine plutôt que de mourir dans son lit. Notez que je n'ai pas de preuves. Hein. Je vous dis ça pour essayer de comprendre pourquoi Robespierre, le 27 juillet 1993, entre au pouvoir. Et peut-être, vous savez déjà, que le 9 Thermidor, le jour où on va le tuer, c'est le 27 juillet 1994. Donc, quand Robespierre entre au pouvoir, il a très exactement, il s'en doute pas, très exactement 365 jours à vivre. Qu'est-ce qu'il va faire au pouvoir? Des choses extraordinaires. D'abord, Robespierre va abolir les droits féodaux. Et quand j'ai lu ça, autrefois, j'ai été stupéfait. Mais c'est fait depuis le 4 août. Mais non, ce n'était pas fait depuis le 4 août. C'était toujours rachetable, les droits féodaux, rachetables. Mais Robespierre va faire décider par le comité de salut public qui sera ratifié par la Convention, les droits féodaux sont abolis. Il n'y en a plus, ça n'existe plus. Deuxièmement, Robespierre va essayer d'obtenir de la Convention le maximum. Rien à faire. Ça, les Girondins s'y opposent absolument. Et ils sont encore nombreux et puis... Enfin, les successeurs des Girondins sont encore nombreux et puissants. Le ventre, quoi, le marais. C'est-à-dire les notables ne veulent pas. Alors, du moins, Robespierre va obtenir, puisque la peine de mort est un grand usage, il va obtenir peine de mort contre les accapareurs de biens, les accapareurs de denrées, les accapareurs de blé en particulier. Et peine de mort contre ceux qui vont faire de l'agiotage sur les assignats. Car lorsque Robespierre prend le pouvoir, enfin, entre au pouvoir, un pouvoir contrôlé, puisque tous les mois, Robespierre doit être renouvelé. L'assignat est à 37. Ça veut dire un assignat de 100 francs, vous le présentez à la banque, vous avez 37 francs or au lieu de 100 francs. Vous allez voir ce que va faire Robespierre en disant maintenant peine de mort contre ceux qui vont essayer, qui continuent à spéculer sur l'assignat. Troisième bas, Robespierre va essayer de faire supprimer les fournisseurs militaires. C'était que les fournisseurs militaires, c'était des intermédiaires. Lorsque l'armée avait besoin de quoi que ce soit, on s'adressait à un monsieur qui était là, il y en avait toujours des quantités, il disait « moi, je vais vous faire passer des marchés ». Savez-vous que Voltaire va laisser 600 millions de francs de l'époque, vous pouvez faire un petit calcul dans votre tête, en mourant. Ces 600 millions, il en avait gagné plus de 400 dans les fournitures militaires. C'était aujourd'hui, c'est fini, on ne s'enrichit plus dans les fournitures militaires. Mais à ce moment-là, vous n'imaginez pas comment on s'enrichissait. Hein. Le truc était extrêmement facile. Il suffisait d'avoir une acquaintance avec quelqu'un des services de l'armée. Et par exemple, voilà ce que faisait Voltaire et tant d'autres. Il remettait, je vais dire des chiffres que j'invente, hein, 10 000 paires de souliers pour les soldats français. Alors le fonctionnaire mettait 100 000. Alors l'État payait 100 000 paires de souliers, il y avait 0 de plus, quoi. 100 000 paires de souliers, ça lui avait coûté 10 000 paires de souliers. Alors il y en avait un en particulier, c'est un abbé, là, c'est l'abbé d'Espagnac, qui a été suivi à la piste par M. Mathiez, et qui nous montre que l'abbé d'Espagnac, qui est un des principaux fournisseurs militaires, et grand ami naturellement de Danton, copain comme, enfin très commun, quoi. Alors l'abbé d'Espagnac arrivait à se faire 5 millions de bénéfices nets par mois, vous entendez, 5 millions de bénéfices nets par mois dans les fournitures militaires, et il exigeait qu'on le payât en liquide et jamais en assignat. Alors Robespierre décide, il n'y aura plus de fournisseurs militaires. C'est l'État qui passera directement, et je m'en mêlerai, disait-il, les marchés avec telle usine, telle industrie, qu'une intermédiaire. Colère du côté d'une grande partie des notables. Et même Robespierre va faire beaucoup mieux, et ça alors c'est épouvantable, il va décider qu'il y aura deux usines d'armement nationales. Ce sera l'État qui va diriger une usine d'armement terrestre à Paris et une usine d'armement maritime à Brest. Ça frôle l'attentat. D'autre part, Robespierre va décider qu'il y aura maintenant une surveillance politique des généraux. Il avait vu deux choses des généraux. Hein. Il avait vu le général Lafayette, il avait vu le général Dumouriez se mal conduire. Il va être obligé, car ce n'est pas un sanguinaire, il va être obligé d'envoyer à la guillotine Custine, le général Custine, qui se préparait à imiter Dumouriez. Et il y a une circulaire de décembre 1993, signé Robespierre Saint-Just, dont je sais le texte et que je vais vous dire, j'espère, sans hésiter. L'insubordination des généraux est la pire dans une république. Dans un État libre, c'est le pouvoir militaire qui doit être le plus astreint, disait-il. Alors il sera entendu qu'il y aura une surveillance politique auprès de tous les généraux. Ses représentants en mission n'auront aucun droit sur la stratégie, ne diront pas un mot sur les campagnes, sur ce qu'il va se faire militairement. Mais surveilleront le général de telle sorte que le général soit un loyaliste et ne trahisse pas la République. D'autre part, puisque des cadres manquent, c'est Robespierre et Saint-Just et Carnot aussi qui vont décider de prendre de jeunes cadres, des types qui sortent du rang. Et c'est là qu'on va voir sortir les Marceau, les Kléber, etc., enfin les Hoche, qui sont d'anciens, de jeunes soldats, des volontaires, des engagés, qui vont devenir brusquement des généraux. Alors avec tout ça, on va obtenir des résultats surprenants. L'armée française se faisait battre régulièrement jusqu'alors, et on va enfin assister à des victoires. Il va y avoir la victoire de Hondscott dans le nord, là, qui va délivrer Dunkerque, la victoire de Wattigny qui va délivrer Maubeuge, et Hoche est en train de réunir des soldats à Strasbourg pour libérer l'Alsace qui a été occupée par les Austro-Prussiens. Mallet Dupin, que j'ai déjà une fois nommé, vous savez, le Genevois qui s'occupe de ce qui ne regarde pas. Alors Mallet Dupin, dans un rapport de février 1994, va écrire ceci, en renseignant les princes, toujours les deux princes, Louis XVIII, le futur Louis XVIII et le futur Charles X, en disant « Il n'est pas très surprenant que nous rencontrions des échecs, car nous, disait-il, nous les princes, enfin nous les gens de bien, nous ne disposons que de soldats matériels, disait-il. Soldats matériels, ça veut dire les mercenaires. Les mercenaires qui apportent leur courage, peut-être leur vie au combat, mais qui n'y apportent pas leur esprit. Car nous ne disposons que de soldats matériels, alors que les soldats de Robespierre, ils les appellent comme ça, que les soldats de Robespierre sont des soldats passionnés, disait-il. Et d'autre part, Robespierre va finir par obtenir dans des... circonstances que je vous dirai tout à l'heure, mais permettez-moi de vous le dire tout de suite, il va obtenir quand même le maximum, que la Convention va voter le maximum sur les denrées, et il va obtenir, quand il va quitter le pouvoir, quand on le tuera, que Lassignac, qui était à 37 lorsqu'il a pris le pouvoir, sera à 75 lorsqu'il le quittera. Et c'est encore Mallet Dupont qui dit que la politique économique de Robespierre a donné de bons résultats. Ça donnait de si bons résultats qu'il y avait quelqu'un qui était fou furieux, c'était Danton. Danton était convaincu que Robespierre allait se casser la figure, et il voyait qu'au contraire, Robespierre avait des succès. Alors je vais vous raconter trois tentatives de Danton pour casser les reins à Robespierre. Il y en a une qui était tout à fait neuve pour moi, et c'est Soboul qui me l'a révélé. Les deux, j'y connaissais. Première tentative, c'est le 1er septembre 1993. 1er septembre 1993, arrive à Paris une nouvelle affreuse, c'est vrai. La situation de la France était, comme vous le voyez, très dangereuse encore à ce moment-là. Et voilà que l'on apprend brusquement qu'une tragédie se produit à Toulon. Il y avait deux flottes françaises, il y avait une flotte française de la Méditerranée et une flotte française de l'Atlantique. La flotte de la Méditerranée était dirigée par deux amiraux, Chaussegros et Trogoff. Chaussegros, Trogoff. Ces deux amiraux, qui étaient probablement des gens à la Dumouriez, mais de la marine, avaient brusquement remis leur flotte entre les mains de la flotte britannique, qui croisait en Méditerranée. Ces généraux avaient livré la flotte française et la flotte anglaise, ils avaient facilité le débarquement des troupes anglaises à Toulon. L'arsenal de Toulon était occupé par les forces britanniques qui avançaient. Alors il ne manquait pas d'avoir simplement la France envahie au nord et à l'est. La France encore en feu à l'ouest, voilà maintenant qu'au sud, dans la région de Provence, les Anglais avaient mis le pied sur le territoire français. Lorsque cette nouvelle arrive à Paris, c'est évidemment une très grande émotion, et Danton, qui cherche à se pousser, réunit le peuple, enfin appelle les gens sur la place de grève, c'est-à-dire place de l'hôtel de ville, et prononce un discours incendiaire, mettant en cause le comité des salut public, c'est-à-dire Robespierre, disant « Ces gens-là manquent d'énergie, il faut une terreur, je demande une tête par jour !»« Je demande une tête par jour !» disait Danton. Et il ajoute « Je demande une troisième révolution !» Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La première révolution 89, c'est pas une révolution, c'est une réforme. La deuxième révolution du 10 août 92, c'est une révolution, c'est la République, c'est le suffrage universel. Qu'est-ce que peut bien être maintenant une troisième révolution, sinon de l'anarchie? Mais je vous le disais tout à l'heure, Danton est l'homme qui cherche de l'eau trouble parce que l'eau trouble égale bonne pêche, et il ne demande que ça. Il demande maintenant une anarchie dans Paris, parce qu'il pense qu'il s'en tirera personnellement très bien. Il est appuyé par Hébert. J'ai déjà nommé Hébert tout à l'heure, et à propos d'Hébert, Jaurès a un mot très beau. Dans son socialiste, il dit « Hébert s'acharnait à déshonorer la Révolution ». Hébert était celui qui dirigeait cette publication infamante, qui s'appelait « Le Père Duchesne », qui était écrite dans un style volontairement ordurier, alors que lui, Hébert, était un homme extrêmement distingué, d'une très grande élégance. Et ce qu'il y a d'épouvantable, c'est que Hébert s'était acharné contre la personne de la reine. Or, on ne savait pas encore à ce moment-là ce que la reine avait fait. On ne connaissait pas ces trahisons que nous connaissons aujourd'hui. Je dis bien trahison, puisque la reine, par son mari, avait connu les plans de bataille français et qu'elle les avait communiqués aux Autrichiens. Elle avait dit « le corps Luckner va faire mouvement dans telle direction, le corps Lafayette dans telle direction. » Enfin, la trahison pure. Toujours est-il que, après avoir coupé la tête du roi, ce qui pouvait se comprendre, Hébert s'acharnait à faire couper la tête de Marie-Antoinette, ce qui était parfaitement abominable et inutile. Et ce qu'il y a de bien pire, pardonnez-moi ce que je vais vous dire, c'est ce qu'il avait trouvé pour la perdre. Il était allé trouver le petit, vous savez, le dauphin, quoi, le gamin, qui était à la prison du Temple. Et c'est Hébert qui avait persuadé le petit, qui avait 8 ans, 9 ans, je crois, 8 ans et demi, de dire un certain nombre de choses. Alors on avait amené ce gosse devant le tribunal révolutionnaire où sa mère allait comparaître. Et savez-vous ce que le petit avait répété parce que Hébert lui avait bien seriné? C'est ma mère qui m'a appris à me masturber. C'est elle qui m'a fait coucher entre elle et Madame de Lamballe et qui m'a fait des choses. Alors à ce moment-là, la reine s'était retournée vers le public, puis les gens étaient là, vous savez. Elle était bouleversée, cette femme, elle criait « J'en appelle à toutes les mères !» disait-elle. Puis Hébert ricanait en se disant « Ben, comme ça on l'a bien sali. » Bon, et ben Hébert est là derrière Danton qui dit « Si on peut faire tomber Robespierre, il y aura du... » Bon travail à faire. Il a un adjoint, Hébert. Il a besoin, il s'appelle Chaumette. Serge, ah oui, Chaumette. Peut-être que Chaumette en remet un peu dans le pittoresque. Il avait des sabots, avec de la paille dans ses sabots. Il affectait de boire un demi-litre de vin, pas plus, tous les jours, et de manger simplement un crouton de pain. Mais toujours est-il que ce monsieur, qui peut-être faisait la mise en scène, était un brave homme. Et il n'aimait pas ce que faisait Hébert. Et ce jour-là, Chaumette va intervenir personnellement contre Danton et contre Hébert pour dire à cette foule que Danton veut précipiter sur la Convention afin de jeter bas la Convention et de jeter bas Robespierre. C'est Chaumette qui est entouré d'estime, qui va dire « Non, ne faites pas ça. Faites confiance à Robespierre. Vous verrez, il va nous tirer d'affaire. » Chaumette va sauver la mise à Robespierre ce jour-là. Et tout à l'heure, je vous ai indiqué que Robespierre avait obtenu le maximum. Il a obtenu le maximum d'une chambre terrifiée, d'une assemblée horrifiée, parce que l'assemblée a cru que pour la seconde fois, le peuple de Paris allait se diriger contre elle et qu'on allait les mettre dehors. Et que Robespierre s'est dit « je les tiens, parce qu'ils ont peur, ils vont me voter mon maximum. Et en effet, on vote le maximum. Et comme Robespierre sait très bien qu'une loi pareille ne peut être appliquée que si elle est bien surveillée, Robespierre obtient la formation d'un petit groupe, 4000 hommes, pas plus, 4000 hommes, mais avec du canon. On l'appelle l'armée révolutionnaire, qui va passer son temps à circuler dans la ville de Paris et dans les faubourgs de Paris et dans les villes voisines, les 4000 hommes, pour surveiller l'application du maximum. Donc le coup de Danton a raté. Le deuxième coup qui est extrêmement intéressant, et Soboul nous l'a révélé, c'est la déchristianisation. Vous le savez, et ça se voit, dans des tas de villes de France, dans des cathédrales, à Paris par exemple, on voit des têtes de saints qui ont été coupées, des nez qui ont été fracassés. Et on nous dit, oui, c'est la Révolution, il y a eu un moment d'extrême violence anti-religieuse dans la Révolution française. Je l'avais cru aussi, et je m'étais dit, bon, ben, ça se comprend, ça arrive, vous savez que dans les profondeurs du peuple, des gens malheureux, déçus, qui ont cru aux prêtres, et que les prêtres ont plus ou moins trahi, se jettent contre cette religion qui leur paraît un mensonge. Laissez-moi vous faire là une citation de Bernanos, qui m'atteint très profondément. Bernanos dit, être devenu la bête noire, des hommes libres et des pauvres, avec un programme comme celui de l'Évangile, avouez qu'il y a de quoi rigoler. C'est Bernanos qui dit ça. Ben c'est pas vrai. Il n'y avait pas eu de mouvement populaire. Monsieur Soboul, avant de faire ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure chez Calmann-Lévy, un simple petit volume, avait écrit sa thèse, 1400 pages. Sa thèse s'appelle « Études sur les prolétaires parisiens de l'an 2 ». C'est pas prolétaire. Études sur les sectionnaires, peut-être parisiens de l'an 2. Il a étudié les procès-verbaux de toutes les réunions qui se tenaient quartier par quartier dans Paris où les militants se réunissaient. Et M. Soboul, qui est marxiste et qui est communiste et qui est athée, M. Soboul dit, j'ai vécu moi-même pendant longtemps sur l'idée que le mouvement de déchristianisation qui a fulguré au mois d'octobre 1993, c'était un mouvement qui sortait des profondeurs du peuple. Je déclare aujourd'hui, écrit M. Soboul, que dans aucun des procès-verbaux de section que j'ai étudié, dans aucun, il n'a jamais été question de déchristianisation. Toute cette affaire avait été lancée par Danton et par personne interposée. Danton connaissait Robespierre. Il savait que Robespierre était un esprit tolérant. Il savait que Robespierre ne voulait pas qu'on fasse de persécution contre les catholiques. Que ceux qui veulent aller à la messe y aillent, on ne les ennuiera pas. Et Danton s'était dit, je m'en vais lancer une entreprise de déchristianisation. Je vais lancer la petite plèbe, dans la mesure où je le pourrai, contre les églises. Je vais obtenir la fermeture des églises et Hébert va m'y aider. Effectivement, Hébert, procureur syndic de la commune, va déclarer autoritairement et contre la loi la fermeture de toutes les églises de Paris et la transformation de Notre-Dame de Paris en un temple de la raison. Bon, alors, disait Danton, je suis sûr que Robespierre va prendre parti contre moi et je le dénoncerai comme un ami secret des ecclésiastiques. Si vous regardez bien, en effet, comment s'est produit cette déchristianisation, vous apercevez que ce ne sont jamais des gens de la petite classe, ce sont des grands bourgeois qui vont s'en occuper. Fabre d'Églantine, qui est un escroc du reste, qui passera à la guillotine. Fabre d'Églantine est celui qui avait inventé le calendrier révolutionnaire. Et le calendrier révolutionnaire est très beau quant à ses mois, vous le savez bien. Des trouvailles, ça, Florial, Thermidor. Vous savez peut-être moins que les jours portaient aussi des noms, puisqu'il n'y avait plus de saint, ni lundi, ni mardi. Mais c'était des jours de légumes, hein. Il y avait pommes de terre, il y avait carottes, enfin, ça manquait un peu de dignité. Et pourquoi est-ce que la Convention avait voté avec un enthousiasme extraordinaire le calendrier révolutionnaire? Parce que le ventre, le marais composé de notables, se disait « mais c'est formidable, il n'y aura plus de dimanche, tous les 8 jours, il n'y aura maintenant que le décadi, c'est-à-dire le repos hebdomadaire, le repos décadaire, donc on pourra obtenir davantage de travail de nos ouvriers. » Alors, vote massif des conventionnels pour ce calendrier. Qui est-ce qui va aller trouver Gobert, l'archevêque constitutionnel, jureur, de Paris, en lui disant « vous allez vous déprêtriser ». Vous allez monter à la tribune de la Convention pour dire « j'ai enseigné des mensonges, j'avoue que j'ai enseigné des mensonges, sans sa guillotine ». Gobert va y aller, c'est entendu. Qui c'est qui est allé le trouver? C'est Momoreau et Léonard Bourdon. Momoreau va venir maintenant. Léonard Bourdon, c'est un grand bourgeois de l'Oise. Et Léonard Bourdon est allé trouver ce personnage ecclésiastique, non pas du tout mandaté par la petite pep, mais par le groupe des dantonistes qui dit « on va pousser Gobert à se déprêtriser, ça fera terriblement peur à d'autres curés, on obtiendra des déchristianisations massives. » Au temple de la raison, qui va être la déesse raison? J'avais cru longtemps que c'était une prostituée, pas du tout, ça me semble très convenable, c'est Madame Momoreau, justement, M-O-M-O-R-O. Et Momoreau, c'est un imprimeur cossu de Paris. Tout se situe dans un clan très bourgeois. Et ce qui est extrêmement curieux, c'est ce que j'ai lu, ce que M. Soboul nous fait lire, dans le journal de Paris, je crois, il y avait 4 journaux à ce moment-là, donc ça s'appelait le journal de Paris, où voyant que la petite plèbe ne marche pas, et que ce sont presque toujours des bandes payées, enfin des truands, qui viennent se jeter sur les façades des églises pour y faire des massacres, le journal de Paris, probablement dantoniste, s'indigne, et dit « Mais la plèbe ne marche pas, le petit peuple ne marche pas. Les hommes du 10 août veulent-ils donc aller à la messe ?» Non, ils ne voulaient pas aller à la messe, mais ils voulaient qu'on n'empêchât pas ceux qui voulaient y aller, d'y aller. Si bien que Danton, voyant lui-même que ça ne marche pas, que la plèbe ne suit pas, c'est Danton qui va parler des mascarades anti-religieuses qui se déroulent dans la Convention en demandant si ça se passera bientôt. La troisième tentative de Danton est en décembre 1993. Il avait utilisé ce pauvre garçon qui s'appelle Camille Desmoulins. C'est un brave petit, vous savez, Camille Desmoulins. Pas bien malin, très sentimental, un peu inverti. Mais enfin, c'était Robespierre qui l'avait converti et il lui avait fait épouser une gentille femme et il avait même fabriqué un petit enfant. Alors Robespierre aimait bien son Camille Desmoulins, mais Camille Desmoulins était fasciné par Danton. Et Danton lance Camille Desmoulins en lui disant « Tu vas publier un petit journal qui s'appellera le vieux Cordelier ». Cordelier, c'était la section la plus révolutionnaire. Vous savez, les Cordeliers, les Jacobins, mais les Cordeliers encore plus à gauche. Le vieux Cordelier. Et ce vieux Cordelier, avec son titre rassurant, qui prouve qu'il est vraiment un journal révolutionnaire, va demander quoi ? Va demander l'ouverture totale et immédiate de toutes les prisons. Il y avait évidemment 200 000 suspects en France. 200 000 suspects arrêtés. Et c'était excessif. J'ai connu la libération de mon pays en 1944. Et je sais que tout n'a pas été beau. Et je sais qu'il y a eu là des quantités de gens qui exerçaient des vengeances personnelles. Des gens qui ne s'étaient nullement compromis avec les Allemands et qui étaient immédiatement dénoncés au FFI ou au FTP en leur disant « Vous allez les tuer, ceux-là, ou vous allez les piller. » Eh bien, il s'était produit la même chose à la Révolution. Il y avait des quantités de vengeances personnelles qui s'exerçaient. Et sur les 200 000 suspects, je pense qu'il y en avait peut-être 100 000 de trop. Robespierre le savait parfaitement. Et Robespierre avait demandé, déjà avait insisté auprès du comité de sûreté générale pour qu'un triage, vous m'entendez, un triage fût effectué, pour qu'on le regardât le dossier de chacun des emprisonnés, chacun des suspects, afin d'élargir ceux contre lesquels il n'y avait rien. Mais ce que demandait Danton, c'était pas ça. C'était pas un triage des suspects. Danton disait, je demande l'économie du sang des hommes. Le même Danton qui avait demandé une tête par jour deux mois plus tôt. Je demande l'économie du sang des hommes, je demande que les prisons soient ouvertes. Qu'est-ce qui serait produit ? Il serait produit que des gens qui n'étaient pas coupables étaient remis en liberté, excellent. Mais il serait produit que sur les 100 000 qui étaient coupables, qui étaient des agents, soit girondins, soit royalistes, ces gens se seraient répandus à travers la France qui était déjà si en péril, et que c'eût été la fin de la République. Robespierre est donc en présence d'un double danger. D'un côté avec les enragés, c'est-à-dire ceux qu'on appelait les enragés, les hébertistes. C'est, si vous voulez, le ver dans l'arbre. Mais avec Danton, c'est la hache qui est mise maintenant au pied de l'arbre. Que faire ? Robespierre se dit, c'est tout de même terrible d'agir contre Danton et contre Hébert, parce que les gens vont être désorientés. Voyez-vous, nous autres, maintenant, en 73, hein, on est à une distance de la Révolution, on peut faire des perspectives. Ni vous ni moi, nous ne confondrons Mirabeau avec Robespierre, ni Marat avec Lafayette. Mais les gens qui étaient dans le coup, qui étaient dans le bain, enfin, les Parisiens de 1889-93, grosso modo, ils disaient, il y a les bons, il y a les mauvais. Hein. Les mauvais, c'est ceux qui étaient du côté du roi. Les bons sont ceux qui sont du côté du peuple. Alors les bons, c'était Mirabeau, c'était Marat, c'était Robespierre, c'était Hébert, c'était Danton. Si tout à coup, on voit les républicains s'entre-déchirer, si tout à coup le comité de salut public et le comité de sûreté générale frappent un homme comme Danton, frappent un homme comme Hébert, il y a de quoi glacer la Révolution. Et c'est le mot que va employer Saint-Just. La Révolution est glacée, va dire Saint-Just. Glacée au sens de gelée. L'enthousiasme révolutionnaire est en train de tomber. Robespierre est tombé malade, lui, retombé malade, en février 94, c'est bien ça. Il passe à peu près un mois très malade chez lui, à réfléchir, et quand il revient au comité du public, c'est le 13 mars 94, il a pris sa décision. Une décision, je vous assure et croyez-moi, qui lui est infiniment coûteuse. Une décision où il a l'impression que ce n'est pas simplement lui qui se perd, et que c'est la Révolution qui va se perdre. Mais que faire autrement ? Il faut intervenir par les derniers moyens, par la mort, contre les hébertistes et contre les dantonistes. Alors on va faire l'opération en deux temps, on va d'abord arrêter les hébertistes, ensuite on va arrêter les dantonistes, et Danton va passer à la guillotine le 5 avril 1994. Robespierre est à ce moment-là prostré. Il a l'impression que tout est perdu. Il s'est défendu, il a fait ce qu'il croyait devoir faire pour la défense de la République, mais il a l'impression que ça durera plus longtemps maintenant. D'autre part, il est extrêmement malade, physiquement malade. Il dit, c'est la fin, alors avant de mourir, il faut que je vide le fond de mon sac. Robespierre va faire au printemps de 1994 quelque chose qu'il aurait voulu faire plus tard. J'ai écrit un livre que j'ai appelé « L'arrière-pensée de Jaurès » parce qu'au chapitre 10 de l'Armée nouvelle, Jaurès avait un paragraphe philosophique d'une extrême importance. Jaurès disait, j'ai sur ce monde si cruellement ambigu une arrière-pensée, sans laquelle la vie de l'esprit me paraîtrait à peine tolérable à la race humaine. Eh bien, il y avait une arrière-pensée philosophique chez Jaurès, il y avait une arrière-pensée philosophique chez Jean-Jacques, il y avait une arrière-pensée philosophique chez Robespierre. Et il va se décider à dire ce qu'il n'aurait pas voulu dire tout de suite, de peur qu'on ne le comprît pas, mais maintenant qu'il sait qu'il n'en a plus pour bien longtemps, il va tout dire. Alors, il y a d'abord un premier discours de Robespierre qui s'appellera « Principe du gouvernement républicain ». Laissez-moi vous lire quelques petites phrases de ce texte, dont vous verrez ce que j'ai appelé tout à l'heure la naïveté, le côté de naïveté de Robespierre. Nous voulons une patrie qui procure du travail à tous les citoyens, ou les moyens de vivre à ceux qui sont hors d'état de travailler. Nous voulons une cité où les transactions seront la circulation de la richesse et non pas le moyen pour quelques-uns d'une opulence fondée sur la détresse des autres. Nous voulons une organisation humaine, la voilà la gentillesse. Nous voulons une organisation humaine où les mauvaises passions seront enchaînées, l'égoïsme, la cupidité, la méchanceté. Nous voulons substituer la droiture aux bienséances, le mépris du vice au dédain du malheur. Nous voulons substituer les braves gens à la bonne compagnie. Nous voulons une demeure des hommes où toutes les âmes s'agrandiront. Nous voulons accomplir les destins de l'humanité. Vous avez entendu du Jean-Jacques, là derrière. Accomplir les destins de l'humanité où toutes les âmes s'agrandiront. C'est alors que Robespierre a décidé d'obtenir presque de force de la Convention cette fête de l'être suprême à laquelle il tient capitalement. Robespierre est un croyant. Robespierre appartient à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie de cette époque est divisée en deux groupes. Il y a la franc-maçonnerie athée et la franc-maçonnerie déiste. Il est passionnément du côté de la franc-maçonnerie déiste. Et il dit, croire à l'être suprême, c'est considérer en conséquence comme le premier des devoirs de lutter pour la justice, de secourir les faibles et de défendre les opprimés. Alors il va décider qu'il y aura une grande fête, une fête civique, une fête nationale, qu'il a, oh, je crois un peu exprès, fixé malgré le calendrier républicain à une date qui correspondait exactement dans l'ancien calendrier au jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte 1794 que Robespierre va faire ce discours qui lui tenait le plus à cœur. En plein Champ de Mars, là où s'était passée l'horrible chose du 17 juillet 1791, là où le sang du peuple avait coulé, et où Robespierre, qui se trouve être par roulement président de la Convention, va se faire très beau. Il a un très beau chapeau à plumes tricolore, vous savez. Il y a une fille qui voudrait bien se faire épouser par lui, la petite Duplet, qui lui a donné un bouquet extraordinaire. Un énorme bouquet où il y a des roses, où il y a des marguerites et où il y a des bleuets, bouquet tricolore. Robespierre est à quelques 20 pas devant la Convention, qui suit derrière ce qui restait de la Convention. Et les témoins nous disent qu'il marchait, les yeux baissés, au milieu d'une foule qui l'acclamait, qui criait « Vive la République, vive Robespierre !» Il était de temps en temps très rouge et de temps en temps tout pâle, à cause de ses poussées de fièvre. Et on le sentait malheureux parce qu'il avait envie de dire à ces gens, non, pas vive Robespierre, non, vive la République, croyez à l'être suprême. Et là, au centre du Champ de Mars, il va prononcer un discours dont les paroles sont un peu rhétoriques et nous donne l'impression du creux. Mais quand on sait qui était Robespierre, on sait bien qu'il y mettait toute son âme. Et je comprends qu'un certain nombre de cœurs étaient desserrés ce jour-là, car je suis convaincu que c'était la première fois, vous savez, la première fois qu'un gouvernant parlait aux gens de Dieu pour autre chose que pour les duper, que pour les asservir. Robespierre ne se rendait pas compte ce jour-là qu'il signait son arrêt de mort parce qu'il y avait des gens qui le haïssaient. Et en particulier tout le groupe du comité de sûreté générale derrière les dantonistes, et il en survivait, Dieu sait, des dantonistes qui disaient « mais il nous ramène au passé, c'est l'homme des ténèbres, c'est l'obscurantisme ». Il y avait contre lui des haines sauvages qui venaient aussi de ses proconsuls qu'il avait révoqués. Les proconsuls, c'était des représentants en mission dont certains avaient été très nobles et très courageux. Je me rappelle, moi qui suis mâconnais, j'avais été élevé dans l'idée qu'il y avait un certain Javogue, représentant en mission en 93, qui avait été monstrueux à Paris, à Mâcon. Alors j'ai fait des recherches. C'est vrai que Javogue a envoyé des gens à la guillotine, mais Javogue était parfaitement désintéressé et faisait ce qu'il croyait devoir faire pour la République. En revanche, des gens comme Fréron, des gens comme Tallien, des gens comme Barras, des gens comme Carrier étaient monstrueux, et j'oubliais Fouché. Des gens qui, parce qu'ils étaient proconsuls, s'enrichissaient. Tallien, vous savez ce qu'il avait fait à Bordeaux. Tallien, c'était pas un sanguinaire, mais c'était un escroc. Tallien avait commencé par mettre en prison tous les Bordelais les plus riches. Puis il les faisait comparaître un par un dans son bureau. Et il leur demandait, Il leur disait « Libération, si vous voulez, contre une enveloppe hein. ». Alors les enveloppes s'accumulaient sur son bureau et il remettait les chartrons et les autres marchands de vin de Bordeaux en circulation contre argent comptant. Puis alors il y avait Fréron, qui était avec Barras, qui avait vraiment pataugé dans le sang après la reprise de Toulon. Puis il y avait Carrier, donc vous savez bien ce que c'était que les mariages républicains de Carrier. Je vais vous dire des choses horribles, mais allons-y. Carrier était très bien avec la bourgeoisie de Nantes. Les bourgeois de Nantes, qui faisaient du reste pas mal de commerce avec les Noirs, avaient de très belles maisons sur la Loire, qui est très large à Nantes. Hein. Alors on organisait, Carrier organisait de maison en maison, il est invité partout. Des partouzes, exactement, des partouzes. Hein. Et le divertissement principal des partouzes, c'était les mariages républicains. Il avait fait mettre en prison des quantités de prêtres et de religieuses, lui, Carrier, sa propre autorité. Et puis alors, quand il était avec ces messieurs-dames sur le balcon, dominant sur la Loire, il faisait avancer des bateaux dont le fond avait été troué, il y avait des trous, hein, qui étaient remplis de paille, les trous. Sur ces bateaux, il y avait des couples, un prêtre nu et une religieuse nue, enchaînée. Et quand le bateau arrivait sous les fenêtres, alors on enlevait les bouchons de paille, si bien que le bateau coulait tout doucement, et que la religieuse et le curé, nus et enlacés, mouraient sous les yeux de ces messieurs-dames qui étaient bien contents. Robespierre avait envoyé son frère, Bonbon Augustin, en inspection. Augustin était revenu épouvanté de ce qu'il avait vu, et Robespierre avait ordonné le rappel immédiat de ces gens-là, enfin de ces monstrueux, de ces procureurs à la Carrier. Il y avait ça. Il y avait ceux qui ne lui pardonnaient pas d'avoir obtenu, d'avoir imposé le maximum. Et quand Robespierre avait frappé les évertistes, et comme une grande partie des cadres de la petite armée révolutionnaire, vous savez, chargée du contrôle du maximum, cette armée révolutionnaire était composée de cadres évertistes, l'Assemblée avait immédiatement dissous l'armée révolutionnaire en disant « Mais nous suivons la pensée de M. de Robespierre puisque nous congédions les évertistes. » C'était pour faire disparaître l'armée révolutionnaire et pour faire disparaître le contrôle du maximum. Il y avait un comité des subsistances. Vous savez sans doute qu'il y avait des comités parallèles. Hein. J'ai cru longtemps que le comité de salut public était en haut. Pas du tout. Il y avait comité de salut public, comité de sûreté générale, comité des finances, comité de subsistance. Et tout ça contrôlé par la Convention. Eh bien, le comité des subsistances était dirigé par un nommé Lindet. Et ce Lindet était d'accord avec les grands commerçants de Paris pour fermer les yeux sur l'abus qui se faisait du maximum, ou plus exactement sur le non-respect du maximum. Cambon s'était fait nommer chef du comité des finances. Et Cambon avait fait le 24 août, 10 minutes, hein, 10 minutes. Le 24 août 93, Cambon avait fait quelque chose de très bien. Cambon avait décidé la fabrication du grand livre de la dette publique. Et c'était un grand livre bien tenu, où les finances de la République étaient beaucoup plus propres que les finances royales. Mais voilà que Danton, au début de 94, fait une déclaration si stupéfiante à la Chambre, à l'Assemblée, à la Convention, quoi, que Robespierre ensuite doit lui demander s'il ne s'est pas trompé. Cambon avait déclaré exactement ceci, je vais aller lentement, hein. Nous distinguerons parmi les rentiers de l'État ceux dont la rente est inférieure à 1000 francs et ceux dont la rente est supérieure à 1000 francs. Ceux dont la rente est inférieure à 1000 francs recevront leur rente en assignat. Et ceux dont la rente est supérieure à 1000 francs sont payés en numéraire. Alors Robespierre est allé le trouver, il lui a dit, je pense que votre langue a fourché, n'est-ce pas, vous vouliez dire, que sont ceux qui ont les plus grosses rentes qui sont payés en assignat à 75 francs. Et Cambon avait été odieux, il avait dit, mêlez-vous de ce qui vous regarde, je suis chef du gouvernement, du système des finances. Robespierre avait compris ce qui est en train de se passer. Attention, lorsque la France a remporté la victoire de Fleurus, et Fleurus c'est en Belgique, comme vous savez, Robespierre dit, mais il faut s'arrêter maintenant. Nous ne faisons pas une guerre de conquête, puisque le territoire français est complètement libéré, puisque nous sommes même en territoire ennemi. Nous allons nous retirer, nous avons gagné, le régime républicain est protégé, tout le territoire national est vidé de ses adversaires, de ses envahisseurs. Stop ! Carnot, qui dirige la police militaire, est fou de rage, en disant, mais c'est au moment où ça va de nouveau rapporter, comme du temps du Mourier, que vous voulez nous arrêter. Écoutez bien, deux télégrammes, en fait, dépêche. Non, c'était bien des télégrammes, c'est des télégrammes optiques. Deux télégrammes de Carnot envoyés l'un à Pichegru le 10 juillet, l'autre à Jourdan le 13 juillet. Ils sont admirables, ces télégrammes. Le télégramme envoyé le 10 juillet à Pichegru, qui était lui face à l'Allemagne, s'exprime ainsi. « Montrez à vos hommes les richesses de l'Allemagne !» Vous vous rappelez ce que Bonaparte va raconter en 97, lorsque devant son armée de va-nu-pieds, sur du haut des Alpes, il va leur dire « Regardez la plaine du Pô, tous vous allez pouvoir piller, là !» Ben, c'est exactement ce que Pichegru avait reçu ordre de dire de la part de Carnot, montrez à vos soldats les richesses de l'Allemagne. Le 13 juillet, Carnot, s'adressant à Pichegru, lui envoie ce télégramme optique, vous allez entrer en Belgique, prenez tout, il faut vider le pays. Voilà le style Carnot. Alors quand Robespierre dit, mais il faut nous retirer, maintenant nous avons gagné, la France est protégée. Carnot dit, mais c'est le moment où ça va rapporter plus de Robespierre. Saint-Just avait fait une chose encore plus épouvantable. Autrefois, quand on avait saisi les biens du clergé, du moins on les vendait, hein, on les vendait aux gens qui avaient déjà de l'argent et qui s'étaient encore plus enrichis. Et voilà que Saint-Just avait obtenu, avait fait passer un décret, Dieu sait qu'il avait eu du mal à l'obtenir, pour que les biens des aristocrates émigrés qui avaient été saisis par la nation soient donnés, vous m'entendez, soient donnés aux indigents. C'est un attentat monstrueux à la propriété. Tout de même, c'est des aristocrates, c'est entendu, mais enfin, ça leur appartenait, c'est bien. On ne va pas maintenant se mettre à donner les biens des châteaux des émigrés à des indigents. Comment faire pour abattre Robespierre, puisqu'on ne peut plus le supporter? On ne peut pas abattre Robespierre, on ne peut pas l'abattre, tant qu'il aura la petite plèbe derrière lui. Alors il faut s'arranger pour que Robespierre n'ait plus le soutien populaire. Que quand on touchera à Robespierre, les faubourgs ne marchent plus. Il y avait à ce moment-là 48 sections, on dirait aujourd'hui des arrondissements, dans Paris. Il faut s'arranger pour que les sections ne le soutiennent pas. Alors il va se passer deux choses. L'une, c'est encore Lamartine qui l'a dit. Les historiens l'ont remarqué, mais la formule lamartinienne, je ne l'ai jamais vue reproduite. Vous allez l'entendre, elle est saisissante. Le comité de sûreté générale est composé en immense majorité, en quasi-totalité, 7 contre 1, d'ennemis de Robespierre. Robespierre avait fait voter une nouvelle loi de protection de la République qui s'appelait la loi de Préria. Cette loi de Préria était surtout une loi d'intimidation, mais Robespierre n'avait pas l'intention de l'appliquer beaucoup. Alors, le comité de sûreté générale va s'emparer de cette loi robespierriste de Prairial pour rendre folle la guillotine. C'est-à-dire pour faire tomber des têtes en masse. Je vais vous donner un chiffre. En 6 mois, le tribunal révolutionnaire avait fait tomber 1200 têtes. En 6 mois, 1200 têtes. En 6 semaines, le comité de sûreté générale va faire tomber 1876 têtes en 6 semaines. Pourquoi? Parce que le comité de sûreté générale veut maintenant frapper des gens dont on pourra dire c'est Robespierre qui désire qu'on les tue. Et il y aura un jour où 50 personnes, hommes et femmes, on n'avait jamais vu ça, 50 personnes le même jour vont être guillotinées, revêtues de la chemise rouge des parricides, parce qu'il y aura là deux personnes, un homme et une femme, accusées de complot contre la vie de Robespierre. Robespierre n'a jamais rien demandé de tel, mais on dira on est obligé d'exécuter 50 personnes parce que Robespierre l'a exigé, sa vie ayant été mise en danger. On va envoyer à la guillotine Chaumette, par exemple, à qui Robespierre devait son salut le 1er septembre. On va envoyer à la guillotine Gobert, l'évêque qui s'était prêtrisé. Sous quelle inculpation? Sous inculpation d'athéisme. Comme si Robespierre disait maintenant, vous avez bien vu, je crois en Dieu, moi je suis l'homme des lettres suprêmes, alors je veux que passent à la guillotine ceux qui font profession d'athéisme. Monstruosité, jamais Robespierre n'avait demandé une chose pareille. Mais c'est le bruit qu'on fait répandre. Et on va faire passer à la guillotine des petites gens. Jusqu'alors, on ne pensait que des prêtres, d'anciens prêtres ou des aristocrates. On va prendre maintenant n'importe qui. On va prendre les plus pauvres pour les envoyer à la guillotine, afin que les fous se disent « mais ils nous abandonnent, Robespierre, c'est pas possible ». Alors écoutez la phrase que j'ai retenue et qui va si loin, qui est si remarquable, qui est frappée, cette phrase de Lamartine. « Ils le couvrirent pendant 40 jours du sang qu'ils versaient pour le perdre. » Deuxièmement, le 21 juillet, Robespierre est retombé malade le 20 juin à peu près, vers le milieu de juin. Le 21 juillet, profitant de ce que Robespierre n'est pas là, la Convention fait voter une nouvelle loi du maximum. Nouvelle loi. Le maximum du prix de vente des denrées n'est plus appliqué. Alors la Convention va voter le 21 juillet un maximum de quoi? Des salaires! Parce que Robespierre avait fait énormément augmenter les salaires. Il avait commencé par dire que dans l'usine nationalisée d'armement de Paris, les salaires seraient de tant. Ils les avaient énormément majorés, ce qui avait obligé les industriels parisiens à augmenter leurs salaires pour être à la hauteur. Alors la Convention décide le 21 juillet de faire un abattement de 20%, de 30%, de 50%, de 50% aux ouvriers de la manufacture d'armes de Paris, et on va dire, c'est Robespierre qui l'a exigé. Pendant qu'il était malade, Robespierre, il était surveillé. Et je vais vous donner ces petits détails que j'aime, vous savez, les détails concrets, j'aime beaucoup ça. Les policiers chargés de la surveillance de Robespierre ont dit que pendant un certain nombre de jours, il ne sortait pas, parce qu'il était trop malade. Et voilà que vers le 10 juillet, il s'était mis à ressortir. Le temps était magnifique, il pleuvait jamais. Un début d'été admirable. Et il paraît que Robespierre allait se promener l'après-midi. Il était un peu chancelant. Et comme les gens le connaissaient quand même, surtout dans le quartier, là, il ne voulait pas donner l'impression qu'il était si malade, alors il n'avait pas de canne, bien que ses jambes fussent faibles. Alors il sortait avec son chien, qui était un grand chien, très haut, qui s'appelait Brunt. Et les policiers disaient, On le voit s'appuyer de temps en temps sur la tête de son chien, comme pour le caresser. En fait, il prend appui sur lui. Il va pas bien loin. À Paris, à ce moment-là, il était tout petit. Vous avez la campagne commençait tout de suite. Et Robespierre va s'asseoir, disaient les policiers qu'il guettait, va s'asseoir à la corne d'un bois, je suppose à l'angle d'un bois, qui était suivi d'un pré en pente sur la Seine. Et il s'assied là dans l'herbe, avec son chien qui est à côté de lui. Et il reste des heures, les mains dans l'herbe et le nez en l'air. Le 26, on y arrive, hein. Le 26 juillet 94, Robespierre reparaît à l'improviste, à la tribune. Épouvante, qu'est-ce qu'il va dire? Alors il dit, je sais très bien que c'est fini. Mes mains sont liées, mais je n'ai pas encore de baillon sur la bouche. Alors je vais vous dire un certain nombre de choses. Et il dit ceci d'abord. Lorsque la République tombe entre certaines mains, ce sont ces mains-là qui détruisent la République. Il voulait dire à la fois les proconsuls et des gens comme Cambon. Car il dit, on fomente l'agiotage maintenant, là où on devrait le surveiller. On désespère les pauvres et on favorise les riches. J'en ai assez, dit Robespierre, de vivre dans un monde où l'équité n'existe pas et où la justice est un mensonge. Et se tournant vers Fouché, qui avait fait inscrire sur les cimetières de Lyon et de Nevers où il avait été proconsul, ici est le sommeil éternel, il dit, on va peut-être me tuer, Fouché. Mais non, la mort n'est pas un sommeil éternel. Alors, c'est pas la peine que je continue à vous raconter, vous savez très bien ce qui s'est passé après, c'était le 26 juillet, c'est le 9 Thermidor. Dans la nuit du 26 au 27, une conjuration se prépare, c'est Sieyès et Boissy d'Anglas qui sont les principaux artisans. Ils vont trouver chez eux les députés les plus considérables, ils leur disent, nous savons que Robespierre demain, aidé de son criminel Saint-Just, va essayer de demander de nouvelles têtes. Robespierre est un affamé, un assoiffé de sang, vous venez bien de voir les têtes qu'il a fait tomber. Alors attention, demain, hein, que tout le monde se lève pour condamner le nouveau Cromwell, c'est l'expression, enfin le dictateur. Vous savez que dans l'après-midi du 27, du 9 Thermidor, c'est Saint-Just qui monte à la tribune, alors à ce moment, pour défendre Robespierre. Alors Tallien, qui a préparé son coup, monte à cette petite, elle était toute petite, tribune de la Convention, et se livre à une espèce de pugilat, de misérable bagarre avec Saint-Just pour le faire descendre. Robespierre lui-même arrive pour défendre Saint-Just. Ils sont trois à s'empoigner à cette tribune, ce qui est ridicule. Alors Tallien avait préparé son coup, il sort un poignard de son pourpoint, il le lève au-dessus de la tête de Robespierre et il dit « Si l'Assemblée ne vote pas immédiatement l'arrestation de Robespierre, je le tue de ma propre main. » Tout ça a été préparé, alors là, le ventre et le marais se soulèvent, on crie « Arrestation de Robespierre !» Robespierre baisse la tête. À ce moment-là, des amis de Robespierre qui n'ont pas encore été condamnés, dont on n'a pas décidé l'arrestation, demandent à être arrêtés. Son beau-frère, celui qui avait épousé celle qui voulait épouser Robespierre, Lebas, dit « Arrêtez-moi, moi aussi ». Le frère de Robespierre, le petit frère Bonbon qu'on l'appelait, Augustin, qui a 26 ans, plus jeune député, dit « Si vous arrêtez Maximilien, arrêtez-moi aussi ». Alors on les arrête, vous savez qu'il est conduit à l'hôtel de ville, vous savez qu'une tentative va être faite pour le délivrer, vous savez qu'Henriot, chef de la garde nationale, va appeler au secours les faubourgs. Vous savez peut-être pas que sur les 48 sections des faubourgs, 17 seulement vont venir. Vous voyez, si Robespierre est tombé, 17 sur 48. Il y a tout de même 3500 hommes qui sont là en disant, monsieur de Robespierre, enfin Robespierre, si vous voulez qu'on marche contre la Convention, on est prêt. Et Robespierre leur dit, ne bougez pas, il y a déjà assez de sang répandu. C'est perdu, vous savez, c'est perdu. Alors Robespierre va passer le lendemain à la guillotine, ça sera la grande fiesta. Oh, la grande fiesta, la guillotine n'aura jamais vu pareille fête. 106, vous m'entendez, 106 têtes vont tomber en 48 heures. Les têtes de tous ceux que détestait le vent, tous ceux qui étaient compromis avec Robespierre. Couthon, bien entendu. Couthon, au moment de l'arrestation de Robespierre, Couthon, c'était un infirme, vous savez, il était dans une petite charrette. Alors Léonard Bourdon, quand il était entré à la tête de son groupe de gendarmes, il est entré quand il n'y avait plus personne pour défendre Robespierre. Couthon avait dit aux gendarmes, mais poussez donc, monsieur Couthon. Léonard Bourdon avait dit, poussez donc Couthon sur l'escalier, ça serait drôle. En effet, les gendarmes avaient poussé Couthon dans sa petite voiture qui avait pirouetté le long de l'escalier. Et M. Gaxot, dont je vous ai plusieurs fois parlé, a une vraie trouvaille en disant au bas du grand escalier, Couthon faisait le mort. Et bien demain, il fera le mort pour de bon, puisqu'il a les jambes tordues, alors on sera obligé de le mettre obliquement sur la guillotine. On a réservé Robespierre pour la fin, pour qu'il voit tous ses amis guillotinés avant lui. Il avait eu la mâchoire fracassée d'un coup de pistolet, et il avait un bandeau autour de la tête. Alors pour pouvoir le guillotiner, le bourreau est bien obligé d'arracher le bandeau, alors on voit tomber cette bouche pleine de sang et hurlante. C'est ce que M. Bessin-Massenet, qui est un historien bien né, appellera la libération de Paris. En effet, abolition immédiate du maximum, agiotage permis, et comment, sur les assignats. Lorsque la foule affamée du faubourg Saint-Antoine va venir réclamer du pain en prairial l'année suivante, Pichegru tirera sur cette foule ouvrière. Quelques-uns de ces ouvriers vont pouvoir se réfugier dans Notre-Dame en se disant que Notre-Dame de Paris est tout de même un lieu d'asile puisque ce n'était plus le temple de la raison et que Robespierre l'avait fait rouvrir. Alors Pichegru va faire entrer ses soldats dans Notre-Dame de Paris et fusiller les derniers ouvriers qui résistaient dans la capitale. Madame de Staël, qui avait été si triste de fermer son beau salon, va pouvoir le rouvrir. Elle amènera dans ses bagages Benjamin Constant les poches pleines de juteux francs suisses. Et monsieur Boissy d'Anglas va prononcer à la tribune un mot qui soulèvera des ovations. Un pays gouverné par les propriétaires et dans l'ordre naturel des choses. À la bonne heure. Voilà, j'ai fini.